Bonjour et bienvenue sur Occitanie Comics pour notre nouveau débat comics. C'est déjà le numéro 6, le temps passe vite quand on s'amuse bien autour d'un micro. Donc nouvelle émission, nouveau invité, nouvelle table au complet parce que notre intérimaire est revenu avec nous. Je vais commencer par présenter à ma droite notre invité, Pierre. Enchanté. Dessinateur chez Wonga Comics, qui a dessiné Le Patrouilleur. Oui. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. À la droite de Pierre, on a Nebu. Salut à tous, je suis content de vous revoir, ça fait un petit bout de temps que j'étais pas là, effectivement. À la droite de Nebu, on a notre ami Sweep. Salut tout le monde. Et à la droite de Sweep, on a un peu éloigné du micro, notre ami ex-caméraman Adrien. Salut tout le monde. Donc cette émission, c'est encore une belle émission qui se profile. On a fait un gros sommaire. On va commencer par un petit débat sur les adaptations de comics ou de mangas, hein, parce que bon, on peut parler également de Dragon Ball Evolution, hein. Ça fera plaisir à tout le monde. Et donc on va parler des adaptations. Ce mois-ci, ça a été un gros mois avec Lock and Key et le magnifique film que je conseille à tout le monde, Bird of Prey, qui est sorti en début de mois. Nebu est allé le voir. Nico? Non, en fait, je dois le voir demain, je pense. Ah, d'accord. Et Adrien? Non. Non, d'accord. Donc voilà. Je vous donnerai mon avis en exclusivité, alors. Ah ouais. Et donc, après, on va avoir une longue interview avec Pierre, où on va revenir sur sa carrière et le patrouilleur et la vie d'artiste. Parce que... Oui. Peut-être revenir un peu sur les manifestations. Ouais, plaisir. Hein, tout débat est bon à prendre. Tout débat est bon à prendre. Hein, c'est important de rester informé parce que c'est vrai que les plus maltraités, finalement, en France, c'est peut-être les dessinateurs de BD, de manière générale. Enfin, pas les plus maltraités, mais ils font partie du haut du panier des maltraités, on va dire. Acheter un comic, sauver un dessinateur. Voilà. Ouais. C'est un bon slogan, ça. On va enchaîner sur nos conseils d'achat, toujours un peu remaniés. J'ai pas encore briefé le début, mais je vais le briefer dans quelques minutes. Le conseil d'achat, il y a Angoulême. Ah oui, j'ai oublié. Oui, on va continuer de parler d'Angoulême. De toute manière, Adrien nous a dit qu'il nous parlerait d'Angoulême jusqu'en décembre 2020. Jusqu'à la prochaine édition. J'ai fait plein de sujets, tu vois. Donc là, il va nous parler de Tsume, de ces deux mangas qui viennent tout juste de sortir. Et exact. On terminera donc par ces conseils d'achat. Bon, ben sur ce, c'est parti pour le premier débat. Donc le premier sujet de cette émission, c'est les adaptations. Comme je l'ai expliqué au sommaire, on a eu le droit à beaucoup d'adaptations sur ces dernières années. On va en avoir énormément sur le futur. On va avoir beaucoup, on a eu de bonnes adaptations. On peut noter, enfin, je vais nommer quand même les Avengers, quand même, qui a été une assez bonne adaptation au début. Alors, sur ce genre de... C'est un des points que je voulais aborder par rapport aux adaptations. Allez, ça y est, ça commence. C'est que je pense que niveau adaptation, faut séparer déjà de base, surtout niveau comics, entre les univers DC Marvel et l'ND. Parce que DC Marvel, en fait, c'est tellement le bordel que tu fais une adaptation, mais en fait, tu fais un truc réarrangé comme il faut parce que tu ne peux pas adapter un comics en vrai. D'accord. C'est le bordel. Faut se l'avouer, t'as un genre Infinity War, des trucs comme ça, c'est pas réellement une adaptation. Ils ont repris une bonne partie des trucs. Et sinon, je vais continuer d'introduire débat. Mais... Si ça te dérange pas, non. On peut parler de bonnes adaptations. Donc on va pas parler de Marvel DC. Je sais pas quel indé on peut parler. Ah non, mais on peut t'as parler pas, de Marvel t'as DC. Pas, c'est Atomic Blonde qui était sorti il y a quelques années. Ah oui. Avec le comics chez Oni Press. Non, bonne adaptation. Si on part directement sur l'excellence, Watchmen ou Le V pour Vendetta, qui étaient deux super adaptations. Également. Et on peut parler des mauvaises adaptations. Donc là, on va tomber sur les mangas plus facilement. Hein. Oh, la magnifique adaptation de Dragon Ball Evolution. Ce film n'a jamais existé. On peut parler également de Bird of Prey. Bah non, tu l'as pas vu déjà, donc tu peux pas le dire. Et de ce que j'ai vu, quand même si j'ai pas vu le film, les avis sont mitigés entre du bon ou du moins bon. Je te rassure, le mien est pas mitigé. Mais du coup, on y reviendra plus tard. Je parle du public, donc à part si t'as des troubles de la personnalité. Je fais partie du public. Donc voilà, bon, du coup, on va commencer l'attaque. Je sais pas, on va mettre sur la table au hasard une des adaptations de ce mois-ci. Bird of Prey, ok. Mais du coup, moi, je voulais qu'on définisse, c'est qu'on va parler vraiment d'adaptation de support comics et donc éventuellement de manga au cinéma. Hein. Au cinéma, et série, en série aussi. On peut mais on parle de pas d'animé, ni de jeux vidéo. On peut parler d'animé. Parce que sinon, il faut faire une émission complète. Ah oui, oui, il a pas tort. Oui, c'est pas faux. Mais bon, ouais. On va éviter de parler des adaptations manga en animé. Parce que là. Oui, non, mais c'est un circuit naturel. Les adaptations manga en animé, c'est le circuit d'exploitation naturelle d'un manga. Donc, oui, mais voilà. Bon, là après, on en a pour pas. Voilà, voilà. Non, c'est on en a juste pour 2021, voire 2022. Voilà. Je voulais vraiment qu'on précise ça. Donc, effectivement, on va parler des adaptations comics et manga au cinéma et en série. Voilà. En live, quoi. C'est pas mal, en live. Voilà. Pas d'animé, pas de jeux vidéo. Ouais. Donc, on va commencer à parler de l'excellent Bird of Prey. Vas-y, début. Ok, bon, alors je suis allé voir Bird of Prey. J'en attendais rien en vrai. Et j'ai bien fait. j'avais pas très aimé Suicide Squad, même s'il y avait des trucs dans Suicide Squad que j'avais quand même bien aimé. Certains passages, certains trucs, mais il y avait beaucoup de choses pas logiques du tout. Et Bird of Prey, bah. Comment dire ça? En fait, bon, j'ai trouvé ça chiant. En vrai. J'ai trouvé ça naze. Les seuls trucs que j'ai bien aimé, c'est quelques combats qui étaient du coup sympas. Mais tout ce qui est scénario, histoire, c'est chiant. Enfin, c'est Harley Quinn, quoi, au final, Birds of Prey. Parce que les vrais Birds of Prey, même si moi je connais pas les comics, c'est à la fin du film qu'elles sont formées, en fait. Oui, c'est à la fin, mais c'est surtout formé par Batgirl, que tu la vois pas, Batgirl. Absolument pas. Voilà, donc déjà, c'est, ça part... Après, en fait, c'est dommage, parce qu'il y a des bons personnages, mais du coup, ils en font des caisses. Après, il y a un autre truc, soit on aime, soit on aime pas. Moi, perso, j'ai trouvé ça insupportable. Mais c'est Harley Quinn qui fait la narratrice. C'est elle qui raconte l'histoire de tout le film. Et, en voix off, tu veux dire? En voix off. Ah ouais. En voix off. Et du coup, bah, y a une manière de raconter le film où en fait c'est un peu le bordel au niveau de la timeline au début. Mais parce que c'est le bordel dans l'esprit de Harley Quinn. Toujours. Donc c'est un format, on va dire, narratif qui peut être sympa. Mais dans le film, et ce que je comprends, puisque c'est le personnage, tout est fait pour qu'elle soit insupportable. Donc, en fait, donc du coup, sa narration est insupportable, et du coup, le film est insupportable. C'est pour ça qu'en fait, il nous parlait d'un clin d'œil à Pulp Fiction. C'est une narration complètement décousue. Ouais, mais non, parce que du coup, dans Pulp Fiction, c'est des épisodes. Tu vois, t'as vrai. Pulp Fiction, ça porte bien son nom. C'est une Pulp Fiction, c'est-à-dire un bouquin où il y a des espèces de nouvelles et peut-être les personnages se recroisent. Et t'avais des épisodes qui succédaient. Il y avait une narration différée, mais parce qu'on s'intéressait véritablement à des personnages. Et puis aux différentes histoires du film de Pulp Fiction. Exactement. Ah. Alors que là, bah, effectivement, t'as Harley Quinn, elle va faire son histoire. Elle va dire, ah, en fait, j'ai oublié de vous présenter Machine. Et puis elle va présenter Machine, et on revient en arrière. Et en fait, j'ai oublié de vous présenter ce truc. Et elle revient en arrière. Et bon, bah, c'est le bordel, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent toutes. On sait pas trop bien pourquoi, à part pour sauver une gamine. Elles se foutent sur la gueule avec d'autres gens. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que c'est un film aussi où ils arrivent à faire mal jouer Ewan McGregor, quoi. Il en fait des caisses et c'est nul. Enfin, c'est un acteur formidable. C'est Obi-Wan Kenobi, merde. Et franchement, il est naze. Il est absolument mal dirigé, quoi. Donc, du coup, bah, c'est triste. Enfin, voilà. Donc, j'ai poussé quelques soupirs. Heureusement, il y avait des bastons qui étaient marrantes. Parce que là, du coup, on retrouve l'esprit Harley Quinn. Mais... Mm. Il sert à rien. En vrai, il sert à rien. Ouais. Et voilà. Bon, ça c'est déjà un merveilleux constat. Après, pour parler un peu plus d'adaptation, c'est vrai que déjà faire Harley Quinn et les Birds of Prey, parce que c'est comme ça que maintenant qu'il a été renouvelé, renommé aux États-Unis. Il y avait eu des plaintes sur le premier nom en fait du film. Mais du surtout coup, parce qu'il ça. Marchait pas, donc ils l'ont renommé et aussi. Et du coup, ils l'ont renommé en Birds of Prey pour ramener en fait la communauté un peu. Sur le film, quoi. Enfin, moi, je trouve que Bird of Prey, c'est une équipe montée par Batgirl avec Canary, Black Canary. Non, c'est pas Black Canary. Si, c'est Black Canary. Oui, j'ai une petite méconnaissance des petites héroïnes de chez DC. Bon, il y a Huntress et compagnie. Mais voilà, c'est Batgirl et après Oracle qui montent les Bird of Prey. Et là, on part sur Harley Quinn qui monte les Bird of Prey. C'est quand même une ex-criminelle, quoi. C'est même pas qu'elle les monte, en fait. C'est, je crois, enfin, bon, le film. Je peux vous spoiler parce que voilà, mais véritablement les Birds of Prey, c'est Harley Quinn qui rencontre des meufs et ces meufs ont un objectif différent mais qui est incarné par une seule et même personne, ce qui est la gamine qu'elle recherche. Et au final, bah, ils vont se réunir, et c'est, à la fin, c'est Montoya qui quitte les flics de Gotham et qui, du coup, monte cette espèce d'agence de mercenaires. Et Harley Quinn part avec la gamine faire un autre truc, qui est même pas, elle est même pas Bird of Prey et tout ça, et du coup, on se retrouve avec Montoya qui rassemble Huntress et Black Canary pour faire les Birds of Prey. Ok. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, c'est quand même attraper le support, le violer, le jeter, quoi. C'est cru de le dire comme ça. Après, moi, je connais pas le truc de base, donc une nouvelle fois. Moi, pour le coup, au niveau comics, je suis pas. Ouais, je suis arrivé très tardivement, donc du coup, moi, je ne connais pas ces trucs-là. Donc, je mange ce que j'avais quand j'étais petit en dessin animé et ce qu'on a maintenant au cinéma. Et au-delà de, je pourrais pas dire c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Je pourrais dire c'est un film qui m'a fait chier ou c'est un film que j'ai bien aimé. D'accord. Tu vois, c'est plus ça, quoi. Mais non, enfin, je sais pas, Nico, t'en as peut-être lu un peu plus des Birds of Prey. Non, j'en ai quasiment pas lu, mais c'est pour ça que j'expliquais aussi déjà le cas de base, c'est que le MCU et comme le DC Universe, même si DC ont pas assez de films, le fait avec toutes les histoires qu'il y a ou autre, de faire une adaptation un peu comme il faut, c'est compliqué. Mais bon, ouais, là, après, tu parles de l'hérésie déjà, c'est même pas Batgirl et Oracle, donc c'est. Oui, mais c'est comme si tu faisais un film Justice League et tu oublies Superman et Batman, quoi. Tu dis, en fait, Justice League a été monté par un Kid Flash et un Green Lantern. Oui, oui. Aucun rapport. Ça peut faire une équipe, mais c'est pas la Justice League, quoi. Bon, après, je pense que c'est juste une question de titre. Mais voilà, bon, c'est un film sur Harley Quinn et. Harley Quinn, elle est insupportable, quoi. Elle est insupportable, tu vois, c'est juste comme ça, quoi. Bon, ça, c'est pour parler du mauvais, mais on a du bon, on a eu de très bonnes adaptations avec Watchmen, V pour Vendetta, qui reprenaient très bien le comics. Alors, si tu vas par là, il y a toutes les adaptations de comics de Zack Snyder. Tu rajoutes 300 dans le tas, qui est pour moi excellent. Donc, il y a aussi Watchmen, ouais. Et il a adapté Sucker Punch, que j'adore aussi. Sucker Punch, je crois pas. Ah, si, 300 et. 300 et Sucker Punch, c'est du comics. Hein. Enfin, si tu parles de BD américaine, c'est du comics. Quoi. Ah ouais, c'est comme à la base du film Wanted, qui est aussi. Wanted, exactement. Ça, je savais. Ça, c'est un comics aussi, ouais. Ah ouais, c'est un meilleur. Voilà, donc dans l'ensemble, voilà. Effectivement, ça, c'est des bonnes adaptations, mais c'est à la fois des trucs indépendants et à la fois des. Studios, on va dire, de prod, qui sont plus ou moins indépendants aussi. Ouais, mais quand tu prends, quand même, Zack Snyder, il a travaillé avec la Warner pour faire Watchmen et compagnie, c'est pas vraiment. Ouais, mais bon, derrière, après, il a essayé de faire Justice League. Le Man of Steel, moi j'adore. Hein, Man of Steel, oui, il est génial. Perso, Man of Steel, j'adore. Et après, il y a les prods et tout le côté marketing et financier qui s'en mêlent. Et. Ça fait qu'on a des blockbusters qui veulent rivaliser avec le MCU, mais du coup se crashent parce que, comme tu l'as dit, c'est le bordel. Et que là, derrière, dans les comics, et que derrière, on a des gens qui veulent trop en faire et qui s'y perdent, quoi. Ça, je pense. Ouais, mais après, c'est vrai que DC, ils ont voulu construire un DCEU, si ça existe toujours, en 5 ans, alors que Marvel l'a construit en 10 ans. Avec des histoires construites, en prenant notre temps sur les origines historiques de certains personnages. Bon, certes, on va enfin avoir une origine historique de Black Widow quand elle est morte, mais on s'en fout, c'est un personnage secondaire, on a eu le droit à un film tout le temps. Non, on s'en fout pas, arrête de dire ça. Non, mais. Le problème, c'est que tu vas partir sur un truc sur elle, un préquel, mais tu peux pas réellement y faire de suite. Oui. Ou il y a un truc où à un moment t'es limité parce qu'à partir de sa mort tu peux pas aller trop loin ou. À moins qu'ils nous font une vraie histoire de comics, c'est qu'elle ressuscite derrière. Alors ça pourrait être le cas. C'est le problème du comics. C'est ça. Moi je pense plutôt. Ouais, voilà. Je suis pas sûr, moi, qu'il la fasse revenir, mais par contre, effectivement, le film, vu qu'on voit sa famille et notamment sa sœur, il y a peut-être moyen que ce soit introduction du personnage de la sœur, en fait. Ouais, qui deviendra dans la phase 4 et qui, avec Spider-Man ou je sais pas qui, tu vois. Qui peut revenir en tant que Black Widow. Bon, il y a plusieurs Black Widow dans partout. Ouais. Je pense, ouais. Comme on pensait à un moment qu'Iron Man 3, en fait, ça allait être un nouveau Iron Man qui allait être mis ou comme Captain America ou des trucs comme ça. Ouais. On a cru qu'au bout d'un moment, vu que les acteurs commençaient à être là depuis un paquet de mois, qu'on avait commencé à avoir plus ou moins la nouvelle génération. Alors, en reprenant les identités. Ils sont là depuis un paquet de temps, mais au-delà de ça, c'est qu'ils coûtent de plus en plus cher. Oui, à part Donnie Junior. De plus en plus cher. Parce qu'ils sont contents de leur faire crever. Maintenant, quand ils ont fini Avengers Infinity War, il y a pas mal de gens qui ont parlé dans les interviews, qui faisaient partie de la prod et tout ça, et qui expliquaient qu'ils avaient prévu tel ou tel film, t'avais des acteurs qui ont signé tel ou tel contrat, mais au final, ils demandaient tellement cher ou tellement d'argent, notamment Hugo Weaving, il avait signé pour 3 films pour faire Red Skull. Et au final, l'argent qu'ils lui ont proposé pour les films suivants n'était pas assez, donc il a refusé. Et donc, les Captain America 2 et 3, ou les autres, ont été différents. Il devait être un méchant majeur des Avengers, et ça a été réécrit, refait, ouais. Parce que bah, ce mec-là demandait trop de thunes. Et des gars c'était comme... C'était le premier, en plus, quand même. Ben ouais. Et puis derrière, bah, t'as Robert Downey Jr. Lui... casque, hein. Hemsworth il demande aussi derrière, donc du coup les films se font aussi en fonction des prix des acteurs. Après Robert Downey Jr., bon, je dis pas que c'est un philanthrope extraordinaire, mais tu vois, pour Spider-Man, Homecoming, voilà, il a dit bon, je reverse tous mes profits pour un hôpital. Oui, mais maintenant l'entreprise paye quand même. Oui, c'est... mais n'empêche, quand même, mais bon. C'est, une nouvelle fois, c'est les profits. Le mec a été quand même payé avec un cachet. Ah oui. C'est différent. Oui, et les cachets, ils explosent. Et les agents, ils jouent là-dessus. C'est pour ça qu'on s'écarte une nouvelle fois du thème des adaptations. Mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas les adaptations qu'on mérite, entre guillemets. Parce que derrière, on a des acteurs qui coûtent une blinde, quoi. Donc, les adaptations les meilleures, selon moi, sont celles hors univers, que tu disais tout à l'heure, qui sont issues de trucs indés. Et qui, tu peux avoir 1, 2, voire 3 films, mais qui suivent le truc. Les Kick-Ass, par exemple, sont géniaux. Ouais. Le Scott Pilgrim, il est magistral, le film. C'est excellent, ouais. Donc, mais c'est le truc aussi où t'as le truc qui est très carré, alors que ouais, les films en plus du MCU. Si tu regardes, Kingsman, ouais. Mais quand tu regardes le MCU, par exemple, ben, en fait, il y a tellement de trucs dans les comics que le normal, Captain America, juste même avec Steve Rogers, tu pourrais faire 50 films. Mmh. Si tu suis... Donc c'est pour ça, t'as aussi cette sélection. 50 films. Ouais, on n'en est pas loin. Mais bon, voilà, une nouvelle fois. Là, pour le coup, le MCU en général, même s'il y a des faiblesses sur certains films, je pense qu'en général, c'est là, pour le coup, une bonne adaptation. Puisque du coup, ça rend accessible le bordel qu'est les comics Marvel et du coup DC Comics. Oui. Mais c'est le bordel. Enfin, je veux dire, tu prends les 6 tomes de Civil War, tu comprends que dalle. Mais par contre, le film, il aurait pas dû s'appeler Civil War. Non, même pas ça. Déjà, t'arrêtes avec 6 tomes, d'accord. Il en existe 3. 3 bons, et t'arrêtes là. Oui, les 3 premiers qui sont sortis. Le premier, Civil War. Deuxième, c'est un peu des tie-in. Et le troisième qui était bien, t'avais l'histoire de Wolverine qui lui fait vraiment l'enquête. Il se tape pas sur la gueule des autres, il fait l'enquête. Mais voilà, c'est indigeste. En vrai, c'est indigeste. Et là, si on rechange d'univers, Injustice, c'est un peu particulier, mais c'est dans le même style que Civil War. Et... c'est indigeste. Il y a des personnages qui sortent de partout. Ils sont là pour un chapitre. On les revoit plus. On les revoit plus tard. Enfin voilà quoi. C'est... Joue juste aux jeux vidéo, ça suffit. Hein. Ben pour le coup, ouais. Ça, mais ce sera un autre épisode du coup, un autre podcast. Bon, on a beaucoup parlé de bonnes, mauvaises adaptations. Peut-être en série, on peut parler de. Tu peux vraiment en parler du coup, vu le temps qu'on a mis là. Bah, on peut parler au moins de la CW qui a essayé de faire un Arrowverse, vite fait, 2 minutes. Ah, ouais. Je sais pas, t'as suivi toi dernièrement de l'Arrowverse? J'ai beaucoup suivi sur ses débuts, même la moitié des séries comme Arrow, Flash, même Legend of Tomorrow. Ouais, pareil. Non, j'ai fait la grimace parce que moi, c'est des séries que j'ai essayé, mais c'est tellement teenager que. C'est horrible. C'est une accroche Flash, c'est. Non, il y avait un petit côté Flash. T'as pas nommé la pire des séries Supergirl quand même. Oh non, mais alors ça, mec. On n'attaque pas Supergirl parce que si un personnage que j'adore, c'est Supergirl. Ouais, mais alors est-ce que t'as regardé la série quand même? J'ai regardé les 2 saisons et demie, voire 3 saisons. Ah ouais, t'as tenu. C'est hein. vraiment cucu. C'est t'as vraiment cucu. Tenu, parce que là, franchement... Non, c'est vraiment cucu et ça me fait mal parce que j'adore le personnage de Supergirl. Ah, mais j'adore le personnage. J'adore le personnage de Supergirl, mais tu prends dans l'arc des New 52, donc c'était au moment après Flashpoint chez DC, ils se sont dit, bon, on va renouveler, on va remettre une équipe assez sympathique. Donc Supergirl arrive, elle est en colère. Elle prend l'anneau rouge, elle devient Red Lantern. Donc le Red Lantern, c'est la colère, c'est la haine, et ça se nourrit de ça, et en fait elle se fait dépasser par la haine. C'est pour ça qu'elle a l'anneau rouge. Et en fait, tu prends au même moment, on sort la série sur à l'époque CBS ou NBC, je sais plus, et tu vois une Supergirl cucu. Bah, en fait, le truc c'est qu'ils ont mais pourquoi en mais fait oui mais en fait ils ont pris le parti de te faire un ben Lois et Clark mais version Supergirl, de reprendre ce qui faisait l'essence de Lois et Clark, c'est-à-dire ben c'est à la fois du presque du soap mais avec Superman quoi et Lois, et t'as cet héritage puisque le père adoptif de Supergirl c'est justement Dean Cain et la mère c'est Supergirl du film des années 80. ok, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop cucu. Ouais, mais c'est pour ça que elle est inscrite dans le Arrowverse. Oui, elle est. Oui. Même si c'est pas la même dimension, machin. Les crossovers sont plutôt cool. Les crossovers sont vraiment bien. C'est des rendez-vous sympas. C'est des rendez-vous sympas. Et plutôt cool. Et moi, je le prends comme ça maintenant. Plus sur, en tout cas, sur les dernières saisons qui sont passées sur le Arrowverse, ben, je ciblais plus justement les 4, 5 épisodes des crossovers comme pour suivre. Ouais, que vraiment, je pense qu'Arrow, ils sont allés un peu trop loin. Je pense qu'Arrow, il y a eu des bonnes saisons parce qu'il y avait moins ce truc un peu teenager, justement. Ah oui, La saison 2 ou 3 avec Deathstroke, elle était excellente. Voilà, avec Deathstroke, c'était ouf. Même après, ils ont fait avec Ra's al Ghul et tout. Oui, c'est vrai. Franchement, Ra's al Ghul, c'était pas mal. Ouais. Avec en plus le puits, ils avaient vraiment mis un truc là-dessus et tout. Même un personnage insupportable, quoi. Genre, Black Canary, elle est insupportable. Black Canary. Ouais, laquelle? Parce qu'on en reste pas. La première, oui. La proc. Elle est insupportable. Ah oui. En vrai, elle est insupportable. Après, la sœur, elle revient, mais elle part dans, dans le truc de Tomorrow, là, Legend of Tomorrow. Donc, voilà. Bon, Felicity, on n'en parle pas. Felicity, encore. Mais alors, c'est qui? C'est Oracle au final ou pas? Parce qu'ils ont voulu en faire une espèce d'oracle, genre. En fait, il y a un moment dans une saison où elle devient. elle est en fauteuil roulant, et là, je me dis, oh putain, ça va être Oracle! Et en fait, non. Enfin, je sais pas. C'était. Voilà, moi je pense Pour ceux qui voient pas, Jeff, il a juste fait un haussement d'épaule. Non, je pense que franchement, Arrow, ils sont allés, je pense, justement, un peu trop loin dans les saisons, parce que même les dernières saisons. Je crois que il voyage dans le temps, même Arrow, mais en voyage, où je crois qu'il y a sa fille du futur qui est là. Les comics. Ça m'a perdu. Franchement, ça m'a perdu. Et à j'ai partir pas... du moment où dans un scénario on te colle le voyage dans le temps, c'est que le scénariste, il est foutu. C'est perdu. Alors, et qu'il trouvait plus d'idées. Oui, je pense qu'il y a ça. Après, enfin, de voyage dans le temps, du coup, c'est Legend of Tomorrow qui ça vraiment s'inspire vraiment, c'est le voyage dans le temps et tout ça. Et moi, j'ai bien aimé, par contre. Je crois qu'il y a eu 3 saisons. J'ai vu que 2 saisons. Moi j'ai vu 2 saisons, pareil. Je crois que t'en as 4-5. Ah ouais, il y en a 4-5 maintenant. Ah putain, non, ouais, chaud. Je crois que je suis en retard. Ouais, non, j'ai des non, mais je les rattraperai pas le retard. Non, moi non plus, ça y est. Je me suis dit, peut-être que. En fait, non, mais. Il y avait encore des persos cool aussi, mais au final, ils passent vite à la. Les frères Scofield, là, de Ah ouais, frères Scofield. Au début, pareil, je crois qu'on les introduit, les persos, dans, je crois, Flash. Soit Flash. Dans Flash. Et dans Flash, je les avais pas du tout aimés. Ouais. Et autant dans Legend of Tomorrow, ils ont pris un peu plus de place, je les ai bien appréciés. Ouais, mais c'est de faire un méchant, un gentil et compagnie. Mais encore Legend, je trouve qu'ils avaient des idées sympas et c'était pas trop redondant. Mais, non, mais moi, je déteste ça. Flash, j'ai regardé parce que c'était Flash, mais. Ouais, non, c'est Mais c'était. Je me rends compte que j'ai pris un coup de vieux parce que je suis largué sur vos séries. je regarde quelques séries tirées de comics, mais c'est quand même des séries un peu plus, je vais dire, entre parenthèses, adultes. Du coup, parle-nous d'autres adaptations. Alors, moi, j'ai adoré, par exemple, Doom Patrol, parce que c'est politiquement incorrect sur certains points. Après, ça reste. En plus, il y a Brendan Fraser, bon, c'est ma génération, quoi, la momie, etc. Et le revoir dans le personnage de Robotman, c'était juste fandard, quoi. Titan, c'était un peu plus violent également, je crois. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas accroché, moi, les personnages d'ici. J'ai beaucoup de mal. Doom Patrol, je la connaissais pas trop. Et justement, c'est la série télé qui m'a permis de découvrir 2-3 comics. Je suis encore en phase de découverte là-dessus. Mais la série, elle était plutôt sympa, ça se laissait regarder, c'était marrant, un peu adulte, bon, voilà, entre parenthèses. Récemment, j'ai regardé Watchmen, la série télé, j'ai adoré. Oui. Je regrette qu'il n'y ait pas de suite, mais quelque part, c'est pas plus mal que le scénariste lui-même se rende compte qu'il a tout donné et que ça n'a pas besoin de suite, c'est très très bien. Et la dernière, je ne connaissais pas le comics, mais quelqu'un m'a vendu ça comme un truc hyper trash, et donc j'ai voulu voir la série, c'est The Boys. Ouais. Ah oui, The Boys, alors je reste, ça. Mais ça me. C'est voilà quoi. Je crois que j'ai regardé toute la série. Hein. Et après, je vais me faire des ennemis, mais bon, je reste un fan de Walking Dead. Donc voilà. Ouais, non, je sais. Mais en fait, voilà. Ouais, c'est une bonne adaptation parce que Walking Dead, pour le coup, ça a duré super longtemps. Et en fait, le. C'est pas une bonne adaptation, moi au contraire, ils nous ont repris les personnages, ils nous ont fait une nouvelle histoire. Ouais. Alors, génial. Pour ça, en fait, on a j'ai la bonne explication parce que justement, à Angoulême, il y avait Cartman. Et du coup, j'ai participé à sa conférence. Et en fait, il a travaillé sur les deux, du coup, sur la bande dessinée, le comics, et sur la série télé. Et c'était vraiment un choix, en fait, de lui. qui voulait que les deux scénarios soient différents pour justement avoir vraiment deux supports et deux histoires et deux visions de la chose. Et puis ça surprend les lecteurs. Voilà, ça surprend aussi les lecteurs. Donc, moi j'ai des problèmes sur les rythmes en fait. C'est-à-dire que t'as la saison 1, t'as les deux premiers épisodes qui sont excellents et après... Mais en fait, ça fait ça sur chaque saison, c'est-à-dire il y a 2-3 épisodes dans l'eau. La saison 2, elle est chiante du début à la fin. La saison 3, elle est bien à partir de la deuxième moitié. La saison 4, je crois qu'elle est à peu près toute excellente. J'avais adoré la saison 4, c'est avec la prison là et tout ça. Oui, la saison 5 était plutôt cool. On repart en bas en saison 6. On arrive sur la saison 7 que moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, il y avait vraiment tout. Et ça finit sur l'espèce de gros cliffhanger de Negan qui débarque et qui bute on sait pas qui. Du coup, bah, grosse hype sur le début de la saison 8. Ouais. Et le premier épisode de la saison 8, c'est une... Non. Ah, pour moi, c'est une merde infâme. Là où Negan bute le gars. Et bah, pour moi, c'est un épisode qui a tout gâché. Et c'est à partir de là que j'ai arrêté. En fait, j'ai regardé l'épisode 2, l'épisode 3, et j'ai arrêté Walking Dead à ce moment-là parce que bah, pour moi, ils étaient repartis 6 saisons en arrière pour rien raconter en un épisode. Alors, c'est vrai que dans Walking Dead, le problème, c'est qu'on a les gars, ils sont en groupe, ils vont se séparer pour aller faire telle chose, il y en a un qui a un problème, l'autre va aller le rechercher, mais il y a quand même un groupe de méchants qui veut obtenir tout ce qu'eux possèdent. On tourne en rond, on est d'accord. Moi, je le regarde juste parce que voilà, je veux savoir la fin, je veux savoir où ils veulent en venir. Mais du coup, sur cet épisode-là particulier, c'est-à-dire que ça fait presque un an qu'on attend de savoir, sauf ceux qui ont lu le comics comme moi, qui savent, de savoir qui est mort. Ouais, enfin, et Glenn meurt bien avant dans le comics. Non, il meurt à ce moment-là. Pile à ce moment-là. C'est gratuit. Moi, j'ai failli arrêter le comics à ce moment-là parce que je me suis dit, c'est trop. C'est gratuit et ça m'a saoulé. Mais j'ai continué le comics et j'ai bien fait. mais dans la série... t'attends pendant un an cet épisode-là, et là ils font une méthode de narration que moi je déteste, c'est qu'ils commencent par la fin. C'est-à-dire que l'épisode commence par Rick et les autres qui sont complètement abattus, transportés par l'équipe de Negan vers ailleurs, et du coup tu dis ah alors, et tout l'épisode est fait ah alors qui c'est qu'ils ont tué, puis là du coup ils tuent pas Glenn, ils tuent Abrams. Ah bah non, c'est vrai qu'il était mort dans le comics bien avant, du coup, ça c'est lui qui était mort bien avant. Ah d'accord, ok. Et du coup, finalement Glenn y reste, donc peut-être que c'est cool, on va avoir une histoire un peu plus avec Glenn et donc Maggie. Et puis du coup, à la fin de l'épisode, on retue Glenn et on repart sur une narration mais complètement plate avec un Rick que t'as envie de baffer, et là tu fais... Et puis après, c'est dur. C'est vrai que les dernières saisons, et même la 10 là, que je regarde, alors qu'il n'a plus rien à voir du tout avec le Walking Dead qu'on attendait, en fait, finalement, je reconnais que je la regarde par curiosité. Mais parce que tu t'es attaché au personnage, voilà. Et tu veux savoir ce qui va leur arriver. Mais il n'y a plus la magie des premières saisons, ça je reconnais. Alors que le comics, bon, il y a énormément de tomes, il est fini. Alors j'ai pas lu les deux derniers tomes, justement, je veux me les lire bien comme il faut. Donc Alors je me suis spoil malheureusement sur ce qui se passe à un moment vers la fin, mais toujours est-il qu'il y a eu aussi des vagues sur le comics, mais il y a eu quand même du. À partir du moment où justement la série devient chiante, le comics il revenait de ouf. Et du coup, tu pouvais t'attendre à ce que la série soit ouf, et ils sont partis dans une narration molle qui était triste. On est d'accord, mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient fans de Walking Dead, qui ont lâché dès la saison 3-4, qui en peuvent plus, qui me demandent comment je fais pour la regarder. je me dis simplement qu'il n'y a rien d'autre à la télé. Il y a aussi un peu de ça. Un choix logique. Walking Dead, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci, non. Je disais, les séries du moment que j'ai suivies, c'est Doom Patrol, Watchmen, et donc le dernier, The Boys. Je rajoute à ta liste deux trucs. Umbrella Academy. Ah oui, je l'ai aussi. Excellent. Umbrella Academy, le comics, je l'ai feuilleté vite fait à Cultura, j'ai trouvé ça moche. Limite chiant. Mais la série elle est pas mal, sauf que moi dans le scénario il est absolument pas original. J'ai l'impression de voir Dead Zone c'est le gars qui touche les gens là, qui voyait le futur et qui voit finalement l'apocalypse et qui sait que c'est lui qui va la provoquer, mais en fait c'est le même scénario que moi. Ça je suis d'accord, mais du coup là où c'est cool, c'est dans la narration. La narration est sympa, mais la série est bien, personnages, mais scénaristiquement j'avais l'impression de regarder Dead Zone, quoi. Je suis d'accord, effectivement. Et la deuxième, si je peux me permettre, c'est toi qui m'ont amené les comics, je crois, c'est Lock and Key qui est sorti il y a pas longtemps. pas en parler de ça. Mais toi, tu n'as. Alors, du coup, là, moi, je ne connais pas le comics. Non, moi, j'ai pas lu le comics. J'ai adoré la série et j'étais curieux du comics. Et toi, tu me dis complètement le contraire. Je suis complètement fan du comics. Et pour moi, la série se soigne vers les derniers épisodes. Je crois à partir de l'épisode 6 ou 7. Mais alors, déjà, si on s'en prend par rapport au comics, quasiment, je pense que si tu compares au comics, il y aura que deux saisons parce que tu arrives fin de saison 1. T'es quasiment à la fin du troisième tome par rapport aux comics. Ah oui. Ils ont rushé, quoi. Et il y a pas mal d'éléments. Ah oui, parce qu'en plus les tomes tu les as amenés, ils sont quand même épais là. Mais parce que c'est des tomes doubles en fait. Oui, d'accord, ok. Donc il y a que trois tomes là, donc ça veut dire que ça serait fini sinon. Okay. Donc, non, c'est des tomes doubles. À la base c'est sorti en 6 volumes aux États-Unis. On sait savoir qu'ils vont également sortir un nouveau volume devrait sortir. Complètement inédit, oui. Dans les prochaines mais il y a années, ça, y a prochain mois. J'ai vu aujourd'hui aussi, même apparemment, il va y avoir une sorte de crossover entre Sandman et Locke & Key, qui j'ai vu ça vite fait aujourd'hui, on n'en sait pas plus là-dessus. Mais donc oui, moi, par la série, j'ai détesté, parce que tu t'éloignes tellement du comics, sur plein d'éléments. C'est rien que pour raconter juste épisode 1, où à la fin de l'épisode 1, t'as Echo qui sort du puits, et tu sois, je sais plus quel épisode, tu la vois, elle se balade, elle va s'habiller, elle va bouffer et tout. Mais t'en as rien à foutre de sa vie, Echo, c'est censé être le grand méchant. Elle sort à la fin du tome 1, voire 2, je sais plus, non, tome 1 il me semble. Mais t'as beaucoup de pression, c'est justement Bot qui va la voir, qui discute un peu avec elle, mais en même temps, bah, t'as Echo qui se cache et tout ça, qui représente un gros danger. Et là, tu la vois te balader pour qu'au final, après, se passe ce qui se passe, donc si je me souviens bien, l'épisode 7. Avec voilà, attends, on spoil pas tout parce que vu que c'est sorti il y a pas longtemps là. Voilà, c'est pour ça que je raconte pas, je te regarde dans les yeux, genre on se comprend. Ouais. Et c'est normal, c'est à partir de ce moment là où Echo prend vraiment de l'impact. Et donc, effectivement, c'est un peu ça aussi dans la série, mais avant tu la vois se balader tout ça et en fait ça servait à rien. Bah alors pour le coup, moi j'ai bien aimé. Pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était un méchant cool. C'est-à-dire qu'il est mystérieux. Tu t'attaches au méchant. Echo n'est pas cool. Enfin, moi, j'ai pas vu l'adaptation, mais j'ai lu le comics. Mais Echo, c'est le pire des salopards sur Terre. C'est pour ça que ça passe pas. Mais du coup, enfin... Il te l'humanise, en fait, dans la série. Ouais, mais elle est humanisée, mais du coup, c'est comment dire, elle est bien incarnée, moi, je trouve. Enfin, pour moi, c'est un vrai méchant, une vraie salope, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, quand elle veut récupérer la... Elle est salope, en fait. C'est ça, le problème. Moi, j'ai bien aimé où, effectivement, elle a pas de morale. Et quand elle va récupérer la clé feu et qu'elle balance le gamin. Parlons de la clé feu qui n'existe pas, qui apparaît épisode 1, première minute. Tu captes pas ce qui se passe, rien que là déjà j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Après il y a plein de trucs dans. Rien que le personnage par exemple de. C'est quoi, c'est Scott le pote black de la fille. Oui, ouais. Qui, j'ai pas compris le principe même du personnage, qui est la fusion entre Scott Cavanaugh, qui est donc un petit punk blanc, et son pote Jamal, qui lui est noir. Ils ont fusionné les deux personnages pour en faire un, ils ont créé tout un groupe d'amis autour, et donc ça donne des situations bizarres. Dans le comics, des fois, t'as le personnage de Jamal qui devrait faire un truc, et là, c'est du coup un nouveau personnage que tu connais pas qui arrive, et donc de l'autre côté, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi le fils de la prof de sport, qui est normalement un gamin qui a quasiment le même âge que Bod, et là, en fait, c'est un adulte quasiment, tu vois, il doit avoir 16, 17, 18 ans, parce qu'il est handicapé et tout ça, bah, il fait les basses besognes. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont gêné par rapport à la série. Après, on touche vraiment au principe d'adaptation. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Mais j'ai quand même envie de voir ce que va donner la saison 2 pour voir comment ça va terminer. Mais après, oui, sur même le principe d'adaptation, il y a plein de trucs qui me paraissaient assez bizarres, mais à voir ce que ça va donner. Bon. Et avant qu'on termine ça... Non, mais attends, vas-y. On est vraiment mal barré. On a beaucoup matraqué quand même les comics, parce que moi, c'est facile, il y en a beaucoup qui sortent. Mais je vais me tourner à ma gauche, Adrien. Non. Les adaptations de manga. Attends, je suis en train de chercher. Qu'est-ce qui était bien? C'est chaud. En fait, tu peux pas dire qu'est-ce qui était bien. Tu peux à peu près dire qu'est-ce qui était pas naze. Qu'est-ce qui était pas naze, d'accord. Bah, le Ghost in the Shell était pas naze. Ah, Ghost in the Shell, ouais. Il était pas bien, en fait. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le seul défaut que je lui ai trouvé, ça se comprend. C'est l'ambiance qui est arrondie, qui est joyeuse. Ouais. Elle est trop propre. Oui. Ouais, moi c'est ce que j'ai ressenti aussi. Voilà, c'est après ça se comprend parce que tu dois amener du monde aussi. Ça doit être pour un gamin qui va le voir, il va pas être choqué durant le film, ça passe. Ouais. C'est vrai qu'on s'attendait plus à un univers à la Blade Runner. Ouais, normalement, dans le manga, c'est quand même trash de ouf, quoi. Enfin, t'as une scène, ça spoilera rien du tout parce que c'est même pas dans le truc. Tu vois juste une femme, donc du coup, qui a un corps robotique, qui est en train de fumer sa clope, sûrement elle est en pause dans une ruelle. Bon, ben, elle se fait déchirer la tête et puis elle envoie son corps et puis c'est tout, quoi. C'est l'ambiance de vraiment la ville, quoi. C'est tu peux pas te balader comme ça tranquille, manger une glace dans la rue. C'est voilà. Après, l'histoire, il résume vraiment bien le manga. Tu peux rentrer facilement dedans. Non, franchement, c'est une des la meilleure adaptation pour moi. D'accord. Voilà, donc une nouvelle fois on parle des trucs américains parce qu'il y a des adaptations live de films, enfin de manga au Japon. Oui, alors enfin là il y a vraiment à boire, à manger et surtout à dégueuler. Ah oui, alors, parce qu'après t'as les séries live, alors là c'est encore autre chose. Les films live japonais de manga, ça ressemble à des conventions de cosplayers, quoi. Ah oui, mais si on part sur ça, mais on en parlera pas. Non, faut pas. Attends, on va sur le côté un peu, vu que ça vient de Netflix. Est-ce que vous avez vu le film Full Metal et le film Death Note? Je sens quand même deux trucs aberrants. Alors, justement, Full Metal, j'ai regardé. Ouais, moi j'ai regardé les deux, perso. J'ai pas regardé les deux. Death Note, on m'en a tellement. J'ai pas voulu. Honnêtement, j'ai vraiment pas voulu le regarder. Full Metal. Alors, en fait, il y a un problème, c'est que pour ceux qui connaissent pas, bah, du coup, ils vont être un peu largués. Et pour ceux qui connaissent. Ils sont un peu choqués en fait. Il y a des scènes qui étaient là, mais tu te dis, attends, pourquoi il y a ça maintenant. Je connais Full Metal et j'adore, j'ai bouffé les. Et le film en fait m'a fait penser à un film de cosplayer. Mais c'est ça en fait. Ils ont dit, en fait, tout est bien, c'est-à-dire les décors, les sorts. Et les comment ça s'appelle, et les costumes, du coup, mais sinon le jeu est pourri, donc du coup après c'est peut-être parce que c'est asiatique et qu'ils ont une façon de jouer particulière, ça c'est mais c'était chiant mais beau. C'est ça en fait, exactement. C'est genre t'es trop content de voir les persos, genre Alphonse c'est juste trop bien fait pour moi. La relation entre les deux frères, je trouve que c'est bien mené. Mais le truc, c'est que vu que tu connais le manga, du coup, t'es là, bon, en fait, le scénar, tu connais à peu près. Et puis en plus, tu as des trucs, certaines scènes, t'es là, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Bon, ok. Et pour ceux qui connaissent pas le manga et qui veulent le voir... Il y a tellement de trucs, ça fait peur. Mais du coup, en fait, moi, je pense que le mec, il comprend pas, en fait, toute l'histoire des hommes enculés, ces machins. On va pas en parler 4 heures non plus, mais je pense que tu peux mettre dans la même catégorie Bleach. Qui est pas naze. Ouais, c'est pareil, j'ai un peu regardé. J'ai pas regardé. C'est-à-dire que c'est exactement. On pourrait dire exactement ce que tu viens de dire sur FMA que sur le Bleach. Après, Death Note, c'est complètement autre chose. Parce que c'est vraiment là une adaptation, mais qui est passée à la moulinette et c'est américanisé. Américaine. Américanisé de ouf. Comme le Dragon Ball Evolution. Alors, ce film n'a jamais existé. Du coup, tu voulais dire quelque chose avant que je termine la clôture? Oui, alors avant de conclure, je voulais dire qu'il y avait une série qui était géniale. Qui était une super bonne adaptation et qui a été annulée et que j'en chiale tous les jours. Et que bien sûr, Jeff m'a dit que je pouvais être légèrement content, mais je ne suis jamais arrivé jusqu'à ce moment-là dans les Legends of Tomorrow. C'était la série Constantine qui était vraiment géniale et qui a été annulée malheureusement. Alors que... annulée, la CW, on a fait un animé avec Matt Ryan en tant qui faisait que, la voix. Qui faisait la voix, et puis après tu le revois dans Legends of Tomorrow. D'abord Arrow. Il apparaît dans quelques épisodes d'Arrow, mais après il fait partie vraiment de l'équipage de Legends. Sur ce, pour qu'on clôture quand même ce magnifique débat, il faut. On est des passionnés de comics, on est des passionnés de manga. Il y a des personnes qui ne connaissent rien au manga ou à l'anime. Il faut quand même. au manga ou à l'anime, non, le manga ou le comics. C'est sûr qu'un passionné de 20 ans va détester une adaptation qui peut paraître ridicule ou autre. Mais il faut toujours laisser la chance au produit. Comme par exemple Dragon Ball Evolution. Sur ce, on va passer à l'interview. Après m'être fait incendier par notre ami Adrien sur Dragon Ball Evolution, qui... Ce film n'a jamais existé. Voilà. On va pouvoir attaquer notre interview avec Pierre, que vous avez pu entendre un peu sur les débats et sur ces films du moment. Bonjour, il est 4h du matin. presque. Et du coup, la première question, la question basique que tout le monde a, c'est Présente-toi, s'il te plaît. Et bonjour, je m'intitule Pierre. Bon, non, moi, c'est Pierre. Là, je suis dessinateur dans un style comics. On va dire French comics, qui est un terme un petit peu galvaudé, où j'emploie des termes un peu vieillots. Voilà, je fais du comics français, c'est-à-dire que je suis le créateur d'un personnage qui se nomme le Patrouilleur, qui est un super-héros français qui évolue en France. Et voilà, on va faire comme ça pour l'introduction, on va dire. Donc, oui, c'est très bien. Donc, le Patrouilleur, bien, c'est pas mal du tout. Il a un bouclier avec en forme la Tour Eiffel. Non, bien sûr, il a le visage d'Emmanuel Macron actuellement. Non, je plaisante, bien sûr. Non, bien sûr, c'est un personnage effectivement aux couleurs du drapeau français. C'est pas pour un côté patriotique, parce que le patriotisme, c'est pas le propre de la France, on va dire. C'est juste vraiment pour le faire, pour l'inscrire dans le fait que c'est un super-héros français. Parce que, on va dire ce qui est, on est en 2020, les Internet, etc. Quand on voit des images de super-héros, bah, j'ai envie que quand on voit lui, on se dise, bah, voilà, les trois couleurs qu'il représente, c'est la France. Maintenant, il n'est pas du tout... Il n'a pas du tout le même caractère, le même background que le Captain America. Non, c'est vraiment... Voilà, j'avais besoin de créer ce personnage avec ses couleurs. En plus, c'est un personnage que j'avais depuis très longtemps, que j'avais dessiné à l'époque. Je devais avoir 16-17 ans, quoi, quand on veut avoir son petit super-héros à soi. Et puis, bon, on le met dans les cartons. Et puis, ben, j'ai eu la chance de pouvoir en faire quelque chose un jour. Et j'en suis assez fier. Alors, je me souviens des images de ton Patrouilleur. Ça ressemble beaucoup à quelqu'un de la Garde nationale. Un peu au niveau du costume, le casque et le reste, je trouve. Je pense que tu confonds avec un autre super-héros français qui s'appelle le Garde républicain. Oui, ah, merde. Ah, bravo. Je me disais la même chose. Il a préparé son interview. Ah, je me disais la même chose qu'il a fait la description. J'étais là, je crois qu'il se chie sur un truc. Tu veux qu'on coupe au montage ? Qui est d'ailleurs une série... Pour pas que tu passes pour un gros blaireau ? Non, autant pour moi. Non, au contraire, j'ai confondu, on dirait, un des CRS qui est sur Toulouse actuellement, en train de casser du gilet jaune. Ah, mais bravo, c'est gentil. Non, en fait, oui, tu as confondu avec le Garde républicain, ouais. Qui est une autre série avec un autre super-héros français aux couleurs bleu, blanc, rouge, un personnage créé par Thierry Mornay d'ailleurs, que je salue au passage. Et voilà, moi je suis content qu'il y ait d'autres super-héros français parce que bah, peut-être qu'un jour on pourra envisager, pourquoi pas un crossover, mais bon, là ce ne sont que des propos qui n'engagent que moi-même, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc voilà, oui, non, tu as confondu, mais bon. Juste titre, on appelle mon personnage le comment on appelle ça, le patriote. Je dis non, c'est le patrouilleur. Ou on m'appelle, ah mais tu es le dessinateur du Garde républicain. Pas du tout. Ça m'arrive souvent, mais je vois, après je le prends pas mal, au contraire. Pardon. Et donc il évolue à Paris. Et comment tu montes ces histoires, ces dessins ou autres? Quelle est ta marche à suivre? À la base, je me suis dit, donc je vais reprendre ce que je disais avant, c'est-à-dire je me suis dit, j'aimerais bien créer un super-héros. Alors effectivement, le faire évoluer à Manhattan ou autre, c'est bien, c'est sympa, parce que ça fait le côté américain, mais je ne vis pas à Manhattan, donc moi, les buildings, etc., bon, bah, sans plus. J'avais besoin d'un personnage, finalement, qui se rapproche de ma vie, à moi, c'est-à-dire que mon pays, mon architecture... Où il fallait qu'il évolue en France. Pour moi, c'était une évidence. Il fallait que mon personnage soit un super-héros français, qu'il évolue en France. Surtout que le faire voler dans Paris, ben, on peut ajouter beaucoup de distance. On peut déformer les distances quand il passe entre les immeubles. Donc c'est un peu le super-pouvoir du dessinateur. C'est que les villes, elles peuvent être immenses, finalement. Elles peuvent être aussi grandes que les villes américaines. Donc je suis parti sur l'idée de comme n'importe quel scénariste, puisque je scénarise aussi la série, c'est-à-dire que je n'ai pas révolutionné le comics, hein, que la façon dont il acquiert ses pouvoirs n'est pas super originale, mais ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est lui créer tout un univers, des personnages, des méchants, toute la famille autour, etc. Et là, il a une auditété. Et non, ce n'est pas son odité à lui, c'est celle de son patron. Du colonel, voilà, plus ou moins. Donc, non, elle est bien dessinée. Bon, j'avoue, je l'ai calqué. Voilà, ouais. Puis elle vient de Picardie en plus. Ouais. Bah, Picardie et alors, Paris, c'est à côté quand ouais, même. Hein, c'est non, plus logique c'est cool. Que Toulouse. Hein. Non, non, les dessins sont vraiment cool. Je le feuillette en ce moment. En même temps. Je t'en prie, c'est là pour ça. Donc voilà, donc, j'ai créé un scénario. J'ai envie de dire, qui est assez simple pour les premiers épisodes, parce qu'il fallait que j'introduise le personnage dans son univers, etc. Bon, là où je suis un petit peu... alors là, je vais le dire, c'est un petit peu une exclue. C'est qu'à la base, il devait y avoir des extraterrestres qui envahissent la France, et puis ils devaient les combattre. Puis ça s'est vu dans un film très récemment, on va dire Avengers, quoi. Donc je me suis dit, il va falloir que je change tout. Bon, je ne l'avais pas inventé non plus, hein. C'était déjà vu dans les comics, mais je voulais reprendre cette base-là. Bon, maintenant qu'Avengers est sorti au cinéma. Il y a quand même une chose inédite. Pour une fois, les extraterrestres n'attaquent pas les États-Unis, non, mais la ils France. Ils attaquent la France. C'est quand même extraordinaire. Camembert ça change Power, tout. Quoi. Non, oui, je suis parti aussi du principe qu'il n'y a pas que les Américains qui ont le pouvoir de défendre leur pays avec des super-héros. Mmh. C'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que le projet super-héros, dans cette histoire, les super-héros, en fait, étaient plus ou moins interdits en France. Il va se passer, sans trop spoiler, il va se passer quelque chose qui va faire que lui va arriver et ça va redéclencher un petit peu tout plein de lois, qui sont des lois fictives bien sûr, qui vont... c'est difficile d'en parler sans trop en dévoiler, mais en gros, les lois vont être remises sur la table et puis on va réfléchir peut-être à... est-ce qu'on va réinterdire vraiment les super-héros? Est-ce qu'on va devoir les enfermer? Est-ce qu'il faut les contrôler? Il y a un petit peu de X-Men là-dedans, c'est-à-dire comment faire pour... je m'inspire de toutes mes lectures, c'est-à-dire les X-Men, le personnage, il s'inspire beaucoup de Vindicator, on en a parlé, de Alpha Flight, c'est voulu, c'est parce que c'est toutes mes inspirations, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai créé le scénario, j'ai fait le dessin, et puis j'ai Anthony donc, de chez Vanga Comics qui lui scénarise et maquettise tout ça, on va dire. Non, il maquette tout simplement, maquettise ça n'existe pas, je crois pas. Non, hein, je suis parti un peu trop loin. Je sais pas, t'es spécialiste, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, à la limite, voilà. C'est ton jargon. Tu vois, faire hypothéise littéralement le filtre à mollet cube du temps. Donc on travaille d'équipe, quoi. C'est-à-dire que moi je m'occupe pour l'instant du scénario de base, c'est-à-dire sur les deux, trois premiers tomes. Et après, je compte bien me faire aider par d'autres scénaristes pour développer le personnage et des histoires un peu plus complexes. Parce que là, je reste quand même en surface, c'est-à-dire que là, j'introduis le personnage. C'est quand même quelque chose d'assez long. Voilà. Donc un tome 2 à prévoir. Voilà, alors le tome 2 est sorti en exclusivité à Angoulême cette année. Ouais. Honte à moi, je vais le dire ici, je ne l'ai pas encore sous la main. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont fait les précommandes, ils l'ont déjà avant moi. C'est quand même pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Non, mais voilà, je devrais les avoir début mars, puisque Anthony va me les apporter pour le salon Caramanga. Donc, ça va me permettre de faire continuer l'aventure. Et je travaille actuellement sur le storyboard de l'épisode 3. Du tome 3, parce que pour moi il y a 3 épisodes dans un tome. D'accord. Voilà. Parce que je les ai partitionnés de façon à ce que ça fasse, sauf le premier numéro, fasse 22 pages comme les comics américains. Et donc je les ai un peu fait comme les RCM à l'époque, dans les années 80, les récits complets Marvel, où on prenait les épisodes et on les rajoutait. C'est un petit peu le principe des tomes chez moi. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool, excuse-moi Jeff, parce que je feuillette, et de voir des décors qu'on connaît, hein, parce que Paris, on y est tous allés, hein, on sait comment c'est foutu, mais de voir un Rafale, par exemple, c'est pas un F-16, c'est pas un U-18, quoi, tu vois, c'est plutôt cool, quoi, c'est des bagnoles de flics, voilà, qui sont cassées, pour changer. Les Mégane 2 de la police nationale française. Non, mais tout ça, ça fait que c'est connu, et puis foutre un super-héros, je pense que en termes d'identification, c'est encore plus efficace pour nous... C'est plein de repères visuels, effectivement. Les voitures de police, les uniformes de police, la tour Eiffel, les immeubles, tout ça, c'est un point important de la bande dessinée, du fait que le personnage soit vraiment en France, quoi. C'est des repères visuels. Alors, effectivement. La particularité d'un comics américain, on va dire, on va pas forcément parler d'un Captain America parce qu'il bouge un peu partout quand même, mais on va parler d'un Spider-Man, on peut même parler de Batman qui reste principalement à Gotham, mais il reste dans sa ville. Ouais. Est-ce que tu imagines ton patrouilleur, je sais pas, se balader un jour ou l'autre sur la place du Capitole? Et évidemment, déjà à la base, quand on connaît le personnage, on le verra dans le tome 2, il y a les fiches personnages. Damien Doumet, donc le patrouilleur, est toulousain à la base. Donc, je devais le faire comme ça. Ça part d'une bonne base déjà. Effectivement, le patrouilleur sera amené à voyager et en France et à l'étranger. Il va devenir une sorte de super agent. Voilà, je n'en dis pas plus, mais oui, c'est prévu que ça ne se passe pas qu'à Paris. Il n'y en a pas que pour les Parisiens. Oui. Alors moi, du coup, ça, je te pose une question, mais par rapport au format. Oui. Pourquoi est-ce que tu as préféré faire ton héros, ton super-héros en comics, plutôt qu'en format BD franco-belge, on va dire? Parce que j'ai regardé les dessins, j'ai feuilleté, j'ai pas vraiment lu l'histoire, mais moi ça m'a beaucoup rappelé beaucoup de BD que je lisais étant petit par rapport au décor, effectivement, vu qu'il y a l'identification qu'on connaisse. Mais du coup, qu'est-ce que ça apporte de choisir le format comics plutôt que le franco-belge? Alors là, c'est juste un plaisir personnel, c'est-à-dire que moi, étant fan des Strange dans les années 80, Nova, Titan, etc., je voulais avoir ça. Il faut savoir que le Patrouilleur est sorti au début avec donc. Mis à part le premier numéro qui avait plus de pages puisque c'est un lancement, il est sorti en fascicule souple. On voulait vraiment faire du comics à l'américaine. Voilà, donc il y a eu le numéro 1, le numéro 2 en fascicule souple, 22 pages, etc. Et puis bon, le problème c'est que le marché en France, il est difficile, ne veut pas mettre de production française en librairie, donc il a fallu passer au format album. Finalement, le tome 1 reprend l'épisode 1, 2 et le 3 inédit, regroupé un peu, comme je disais, en TPB, plus ou moins. Et pourquoi ce format? Tout simplement parce que je suis fan de comics et que je voulais que ça reste un comics. Si je l'avais fait en format franco-belge, pour moi, ça aurait été de la bande dessinée classique. Ouais. Okay. Même si maintenant, on trouve des comics avec des couvertures rigides façon franco-belge. On est d'accord, mais je voulais... C'est juste un plaisir personnel. Ouais, clairement. Voilà, ma réponse, mais de toute façon, après, dans ton dessin, on sent un peu la patte quand même et l'héritage, à la fois comics, mais aussi ce mix. Moi, j'ai, en feuilletant une nouvelle fois, sans aller en profondeur, j'ai trouvé des côtés genre Michel Vaillant ou des trucs comme ça que je lisais quand j'étais petit qui sont pas dégueux du tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout négatif le fait que je te dise ça, parce que je ressens un petit peu ça et c'est cool, quoi, parce que ça fait un mix. Vraiment, là, pour le coup, c'est un... C'est un métis, quoi. Et pourtant, je vais être franc, Michel Vaillant, je ne l'ai jamais lu. J'ai très peu de bandes dessinées franco-belges. J'en ai quelques-unes, comme le Gypsy de Marigny, des choses comme ça. Ouais. Après, Michel Vaillant, non. Après, mes inspirations, elles sont plus le comics des années 90, c'est-à-dire l'arrivée de Image Comics, donc Jim Lee, Mark Silvestri, etc. Voilà, ça, c'est ma génération. McFarlane, voilà. Farlane, je la prononce à la française. Super-héros français, je la prononce à la française. C'est McFarlane. Et donc voilà, donc c'est moi, mon inspiration, elle est vraiment les années 90, quoi, là, l'arrivée de Dark Horse, des choses comme ça. En tout cas, visuellement, c'est plaisant, c'est cool. Eh bien, je t'en remercie. En tout cas, je fais tout pour que ça le soit. En tout cas, je me fais plaisir avant tout. Et jusque-là, les lecteurs sont pas déçus et attendent la suite, donc je suis plutôt satisfait. Et du coup, en termes d'édition, ça se passe comment alors? Tu en as parlé un tout petit peu juste avant, mais... Alors, je suis édité chez Vanga, alors Wanga ou Vanga, moi je suis le seul à prononcer Vanga, et je le maintiens, si jamais Anthony entend ça, voilà, petit règlement de compte personnel. Je suis édité donc chez Vanga Comics, qui est une maison d'édition associative. Alors souvent on nous prend pour... maison d'édition à part entière parce qu'on fait Angoulême, parce qu'on a des très beaux stands, etc. Mais on est quand même une association qui édite des auteurs de comics français avec quelques licences à côté. Je pense notamment à Ultra Duck, par exemple, qui est assez connu maintenant. Donc voilà, c'est une maison d'édition associative qui est située à Angoulême, tant qu'à faire. C'est plus facile. Donc on travaille avec des auteurs comme Jocelyn Billard sur la série Grégory Sand qui lui est à Paris. On se retrouve sur certains salons. Avec Internet, de toute façon, maintenant on peut travailler de chez nous. Mais voilà, c'est Vanga Comics qui m'édite depuis le début d'ailleurs. Et en termes de distribution, c'est facilement trouvable? Ça, c'est le sujet qui va fâcher. Parce qu'on parle d'un truc, alors, on trouve ça cool, on a envie que les gens ils en profitent. Donc où c'est qu'ils peuvent trouver ça? Merci d'avoir posé la question, je vous en remercie. La distribution, c'est très compliqué en France. Parce que ça coûte très très cher. Et qu'une maison d'édition associative ne peut pas se permettre d'avoir des frais aussi importants pour être distribué. C'est très compliqué. Surtout qu'il n'y a que, si je ne me trompe pas, la principale boîte qui fait de la distribution, c'est Macassar. Hachette Hachette, ils sont trop chers. je vais pas me faire des amis, mais je vais dire même Macassar, pour une maison d'édition associative, ils prennent les mêmes tarifs que pour une maison d'édition classique. On peut pas se permettre. Donc la distribution est très compliquée. Donc c'est où au début je contactais les librairies pour essayer de placer des exemplaires en dépôt vente. Il s'est avéré que ça a été un fiasco parce que toutes les librairies ne sont pas honnêtes. Voilà, je vais le dire comme je le pense. Et donc du coup maintenant ça se fait principalement avec internet. Les gens contactent soit Vanga Comics directement sur la boutique ou me contactent moi s'ils veulent une dédicace en plus. Et sinon la plupart du temps c'est sur les festivals, donc on repart en quête des festivals, etc., des salons, et on se fait plaisir surtout à rencontrer les personnes. Après la distribution, non, c'est vraiment un gros problème. Va falloir qu'on parle alors, parce que moi je fais partie de l'orga du TGS, donc. Mais tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, mais moi Fred du TGS, je le connais bien. Ah ben, mais parfait. Voilà. Alors je crois que je t'ai pas vu encore. Et pourtant j'étais là, j'étais au dernier TGS. Merde, mais ouais, mais tu sais que quand t'es dans l'orga, tu peux pas visiter le salon. Mais je le sais bien, je le sais. Mais bien. Du coup maintenant le sachant, là, en plus on sera petite pub au passage. Là, cette année on sera au gros salon à Blagnac, enfin Blagnac. Cornevario, donc nouveau parc des expos. D'accord. Donc je ferai attention. Et tu seras à Montpellier aussi ? Alors Montpellier, je ne le fais pas, mais tu pourras quand même rencontrer Anthony, qui est le coloriste et le président de Vanga Comics. Il le fait cette année. Donc du coup, si toi on veut te rencontrer, toi, c'est quelle convention là dans l'année Caramanga. Dernière Caramanga. Là, le prochain c'est Caramanga, le 6 et 7, non, le 7 et 7 8 mars. 8 mars. Voilà, Caramanga, okay. Donc à côté. Et il y aura certainement Saint-Gaudens, puisque Saint-Gaudens. Yann, celui qui gère ça, m'invite chaque année, puis c'est un grand plaisir, c'est un grand ami. Donc, bah cool. Donc voilà, donc non, je vais faire quelques salons là dans le coin prochainement. Donc. Ok, très bien. C'est magnifique. Toutes les questions que je voulais poser, tu les as posées début. Bah, désolé. On sent le professionnel. Non, on sent le professionnel. Moi, je laisse parler, tu vois. Là, t'es pas toujours là, il faut bien qu'on prenne de temps en temps. Et alors, tu nous parlais de ta grande passion, l'arrivée d'Image, de Dark Horse et compagnie. Et comment tu trouves l'évolution, on va pas parler du monde des comics avec le people, mais plus le côté scénaristiquement. Comment tu trouves l'évolution entre les années 90, qui était le boom des comics indé, et qui arrive maintenant en 2020 avec Vertigo qui a fermé ses portes officiellement fin d'année dernière, Dark Horse qui fait pas des gros scores de vente et qui n'amène pas grand chose. De toute façon, si tu regardes en vrai les scores, ça a toujours été les mêmes. Hein. Oui. C'est Marvel DC, Mais si tu veux, à l'époque de Image, t'avais quand même Gen 13 qui vendait, t'avais des choses que tu pouvais voir, tu disais je vais prendre, ça va me plaire, mais alors que maintenant on est. Alors, tu me dis l'évolution, moi je ne vais pas me faire des amis non plus, je vais appeler ça la régression. Parce que concrètement, voilà, si on parle des studios comme Image, etc., que l'on ne trouve plus, d'ailleurs en France on ne trouve plus beaucoup les titres, à moins de les faire importer, même ces studios-là aux États-Unis se cassent la gueule. On voit Topco par exemple, ils sortent plus grand-chose, ils sont morts. Je ne savais même pas qu'ils existaient encore. Moi j'étais voir leur site, il est encore en place, maintenant effectivement au niveau des sorties. Est-ce qu'il y a des choses ? Image Comics, graphiquement, ça ne me plaît absolument plus. Alors, ils sortent quelques titres qui sortent du lot, mais maintenant qu'Invincible est terminé, que Walking Dead... alors, Walking Dead, je ne sais même plus si c'est chez Image Comics. Si, Image. C'est toujours chez Image. Voilà, maintenant que ça va être terminé, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Parce que c'était les titres qui les faisaient tourner. Moi, quand je vois les titres qui sortent chez Image Comics, je me dis, mais... ils veulent faire de l'indépendant, du comment on appelle ça, des romans graphiques, plus ou moins. Oui, c'est souvent comme ça, mais non. Ça m'attire absolument pas. Alors, je parle même pas des autres, parce que je m'y intéresse même plus. Je vais être franc, ça fait maintenant 6 ou 7 ans, je n'arrive plus à acheter de comics en kiosque, en France, ou à m'intéresser à ce qui sort aux États-Unis, parce que, déjà, graphiquement, c'est-à-dire au niveau des dessinateurs, le style me plaît de moins en moins. J'ai l'impression qu'on cartoonise un petit peu tous les comics qui sortent sous prétexte qu'il faut amener de nouveaux lecteurs, des lecteurs plus jeunes. Quant à ceux qui font des scénarios vraiment plus adultes et un peu plus trash au niveau du dessin, je pensais à l'époque, c'était, je sais même pas si ça existe encore, Avatar Press sortait des trucs quand même assez ça existe encore, il me assez costaud. Avatar Press, oui. On les trouve pas en France, et puis pour les faire venir, c'est un peu plus compliqué. Donc j'avoue que je n'achète plus vraiment de comics. J'achète des indépendants chez... on va dire chez les copains, voilà, ça fera partie de mon conseil de lecture. D'ailleurs, je vais le donner maintenant, mon conseil de lecture. La dernière BD qui m'a mis une claque, où j'ai adoré, c'est Smart Girl chez les éditions Réflexion. Ah putain, oui. J'ai de Fernando Danino. Qui était sorti avant en France, avant de sortir aux États-Unis. Eh oui. Et pourtant, le, graphiquement, les dessins, mais c'est du Topco. C'est du Topco des années 90, quoi. Limite mieux. Et scénaristiquement, hyper pointu. Réflexion, c'est, ça jamais. Enfin, je connais la maison d'édition, ils publient régulièrement le Just Red, mais oui. Version. C'est chez qui les Américains qui adaptent du Judge Red, du Judge. C'est pas Boom. Non, je, enfin bref, c'est quand même beaucoup moins intéressant que 2000 que 2000 AD, la version oui, anglaise. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que quand j'avais vu le premier tome de Judge Red, j'avais pas continué, mais c'est vrai que Smart Girl, le Smart Girl qui est sorti directement en hardcover comme ça, magnifique. Ouais, il est magnifique, c'est... il est génial. Il est en deux tomes là, ils ont sorti le 2 bah, au TGS. D'accord. Au TGS mm-hmm. d'ailleurs. Puisque le directeur de les éditions Réflexion les a amenés en exclusivité sur les stands. Ouh. Donc vraiment Smart Girl, voilà, ça c'est la dernière BD que j'ai lue et j'ai fait waouh, là ok. En plus c'est même pas en couleur, c'est en niveau de gris, etc. Mmh. Parce que ça donne une force au dessin. C'est l'univers vraiment cybercriminalité, etc. Et c'est vraiment sympa. Voilà, par exemple, ça c'est le dernier truc qui m'a mis une claque. Mais après, j'achète encore quelques comics en kiosque, mais pas pour l'histoire, juste pour les dessinateurs. En fait, c'est mais alors du coup, est-ce que dans les trucs récents, parce que moi, bah, je prends mon exemple, parce que vous deux, Nico et Jeff, vous êtes quand même des spécialistes de comics, donc vous savez de tout ce qu'ils parlent. On en lit. Moi, pas du tout. Spécialistes quand même. Moi, j'y suis venu très très tardivement, mais il y en a quand même des trucs qui sont récents et qui pour moi sont pas mainstream, que j'aime bien. Mmh. Mais du coup, qu'est-ce que ça vaut, tu vois, des trucs genre Saga, c'est un comics que j'adore. Je peux pas t'en parler parce que je le connais même pas. D'accord, ok. Bah, Saga, il y a East of West aussi qui est cool, tu vois. Mmh. Moi, ce que tu disais de ce trash, de ces trucs-là, je le retrouve là-dedans. Mmh. C'est un peu bordélique, c'est ça va dans tous les sens, mais c'est autre chose que du super-héros. Ah, Tony Chou, enfin moi, Tony Chou, j'ai absolument adoré. Et pour moi, c'est pas du super-héros, c'est pas du truc, c'est aussi trash c'est un peu perché. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport au comics. C'est-à-dire qu'avant le comics, voilà, c'était le gars super-héros, soit Boy Scout, soit un peu méchant, etc. C'était du super-héros. Maintenant, le comics. Bah, ça veut plus dire. Mais c'est de la BD. En fait, c'est de la BD, mais américaine. C'est ça, c'est-à-dire que maintenant il y a des détectives, il y a de l'aventure, etc. Ce qui est pas mal, puisque finalement le comics ça se cantonne pas justement à ce truc de super-héros. Mmh. Mais on est un peu perdu, c'est-à-dire que maintenant je vais élargir un petit peu ce que Mais ce c'est que la lignée dire. Des Walking Dead, tu vois. Par exemple, la suite, enfin pas la suite de Walking Dead, mais le truc suivant, c'est Oblivion Song qui est sorti. Moi, je trouve ça génial. Mais effectivement, c'est peut-être moins l'essence comics que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est plus de la BD, effectivement. Mais que c'est, du comics, c'est là où je voulais dire que Super Héros, on en a sucré peut-être aussi. Non ouais, aussi. Je reconnais. Même moi, mon super héros, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je lui fasse faire des trucs un peu plus trash. Mais qui sait. Mais ce que je voulais dire quand je voulais dire élargir un petit peu plus le truc, c'est que maintenant, on a des dessinateurs. Deux comics qui viennent faire de la bande dessinée franco-belge, bon c'est un peu plus rare, mais beaucoup de bandes dessinées européennes qui deviennent des titres dans les maisons d'édition américaines. C'est-à-dire que maintenant, le comics, la bande dessinée franco-belge ou le manga, tout ça, ça commence à devenir un mélange qui font qu'on va parler de bande dessinée de manière générale, et non plus de comics parce que ça vient des États-Unis ou de manga ou de manhwa ou de ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, la bande dessinée, elle est en train de devenir un truc, elle est en train de se mondialiser finalement. Oui. Ça devient. On le voit très bien avec DC qui avait signé il y a quelques années un partenariat avec un éditeur au Japon pour faire le magnifique Batman et la Justice League, le Batman de Marini. Par exemple, on a aussi les femmes de Manara, qu'il avait fait les super-héroïnes. Oui. Enfin, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières, alors certaines... Ah mais une nouvelle fois j'y reviens, mais la BD franco-belge elle a une vraie identité pour le coup. Si tu parles plus de frontières, c'est plutôt elle qui va déborder sur les autres spécialités on va dire. C'est le manga a une vraie identité, la BD franco-belge a une vraie identité. Donc si on part par là, c'est peut-être plus le comics qui bouffe les autres et qui se diversifie. En fait, c'est beaucoup plus insidieux parce qu'un dessinateur comme Humberto Ramos qui a quand même un style, pour moi clairement manga... Le mec, il a travaillé sur Spider-Man, etc. Mmh. Alors, le gars qui va ouvrir ça, il va dire « Ah, c'est super, il y a du Spider-Man en manga. » Ben non, pour eux, c'est du comics. En fait, les Américains, de toute façon, pour eux, à partir du moment où c'est dans leur format et c'est chez eux, ils appellent ça du comics et ils ne veulent pas regarder ce qu'on disait au début, politique, ce qu'on veut. Mais il n'empêche que pour moi, c'est le bon exemple. Humberto Ramos, pour moi, ce qu'il fait, son style de dessin, c'est clairement du manga. Il mériterait à faire du manga. Et pourtant, il fait du comics. Est-ce qu'on appelle ça encore du comics ? Oui, après, oui. Si on part sur ça, on part sur la base même des comics, avec les comic strips qui étaient des petites histoires que tu faisais en quelques cases. À la base. Quand je lis, moi, quand j'étais gamin, les Gaston Lagaffe, t'as fait une blague, c'était la page et c'est tout. Et tu regardes la page d'à côté, c'est un nouveau sketch. Du comic strip. C'était. Mais c'était à l'européenne aussi, mais c'était déjà les mêmes codes parfois. Donc pour moi, il n'y a plus de comics, de manga ou quoi que ce soit, sauf si on veut vraiment les différencier oui, pour expliquer ça. Le genre. Par rapport au dessin ou par rapport à l'histoire, mais pour moi ça reste de la bande dessinée en général. Pour toi, en fait, la différence se joue sur le format physique du coup, ou le format d'expression quoi. Les éditeurs jouent beaucoup sur ce format physique, c'est-à-dire qu'un comics il a vraiment une côte bien définie, le franco-belge il a la couverture très rigide, etc. Et pourtant, quand on regarde sur internet ou autre, les nouveaux éditeurs qui sont finalement les gens qui font les financements participatifs. Oui. Font des formats qui peuvent être souples et pourtant dedans ça peut être du franco-belge. En fait, il n'y a plus de limite. Donc c'est difficile de dire le franco-belge il est comme ça, il a tel critère, tel format, tel style de dessin. Je pense qu'en fait il n'y a plus de style. Après, tu vois, la seule chose qu'on va pouvoir éventuellement garder, bon, le format manga est bien connu, bien défini et compagnie, mais le franco-belge c'est 96 pages un tome. C'est ça. Ou 47, enfin moins de 50. Pardon, excuse-moi. Ça dépend là. Tu vois, Astérix, c'est 50, 50 pages. Ouais, voilà, c'est à la preuve que je ne connais pas en franco-belge, mais voilà, je te fais confiance là-dessus, t'en lis un peu plus. Non, puis c'est des méthodes, je pense que c'est des méthodes de travail différentes. C'est-à-dire qu'une bande dessinée franco-belge, le gars, il a un an pour la faire. Pour faire. Alors tu me dis 96 pages. Si c'est pas plus des fois. Avant, oui, voilà, avant c'était 50 pages, maintenant c'est 96 pages. En fait, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, mais c'est plutôt autour des 50 pages en général. Non, c'est moi qui ai C'est assez exceptionnel que ça dépasse les 60 pages. Le gars, il a un an. Tu prends un Sillage ou Landfest qui continue à sortir. Enfin, Landfest, ça fait déjà un an et demi que c'est pas sorti. Sillage, c'est sorti il y a pas très longtemps, mais c'est des trucs qui. Enfin, je parle des trucs du coup que moi j'achète. Et effectivement, c'est des, comme tu dis, c'est des trucs qui sortent un an. Alors que l'américain il doit faire 22 pages par mois. Ouais, c'est ça. Bon, bien sûr, après il a une équipe derrière. Il y a le gars qui dessine, l'autre qui encre, l'autre qui colorise, l'autre qui maquette. Bon. Mais après, le manga, après là je suis un spécialiste, mais je crois qu'ils vont jusqu'à 300 pages par mois. Ben là après, c'est en semaine déjà. C'est en semaine et c'est du 18 pages, je dirais, en moyenne par semaine. Quoi. Donc voilà, donc c'est, voilà, après c'est des rythmes différents. Avec 3 d'avance. Voilà. Donc il y a aussi ça, il y a le format, il y a le style de dessin, la cadence, tout est différent. C'est différentes méthodes de travail. Et est-ce qu'on doit les classifier en tant que comics parce qu'ils travaillent de telle façon? D'ailleurs, je me suis toujours interrogé, quand ils ont demandé à Marini de faire le Batman, est-ce qu'ils lui ont dit sur le contrat, tu nous fais 22 pages par mois? Alors, d'après ce que j'ai compris, DC voulait s'exporter. Donc, ils ont fait confiance en certaines grandes maisons d'édition, donc Dargo, parce que, bon, en même temps, ils publient du Urban. Et ils ont dit, vous nous faites une histoire sur Batman suivant votre style franco-belge. Donc vous faites ce que vous voulez avec les moyens qui ont fait, parce que le Batman et la Justice League était très rapide à sortir, alors que Marini a mis plus de temps à sortir, parce que bon, il a colorisé, il a scénarisé, et puis c'est surtout qu'il travaille à la franco-belge, il prend son temps. Et ça se voit d'ailleurs dans sa BD, le Marini est vraiment magnifique, plaisant, le scénario il est travaillé. Beaucoup apprécié sa lecture. Et je crois qu'entre les deux tomes, il a mis 6 mois pour sortir, ou un an quasiment. 6 mois, je dirais, parce qu'il avait peut-être eu un peu plus de pression de la part de Dargo. Mais l'histoire était complète, c'était très bien, c'était très bien cher. Et honnêtement, je pense que c'est le meilleur Batman que j'ai lu ces dernières années. Mais du coup, alors, est-ce que ça vient pas plutôt. Tu vois, on était en interview et on part sur un débat. Mais non, c'est pas grave, mais au contraire. Bienvenue dans Débat Comics, mon cher début. D'où le nom de la. Est-ce que ça vient pas de la chronologie, tout simplement? Parce que les mangas, ça sort au Japon, dans le Jump ou dans d'autres magazines, sous le format 18 pages, enfin un chapitre par semaine. Et après, c'est réuni en tomes. Les comics, c'est pareil. Moi, je suis pas du tout public de kiosque, mais ça sort en format chapitre et après c'est regroupé en tomes. En France, on en avait déjà parlé il y a quelques podcasts, mais en France, on a un système de consommation par tome. Il n'y a pas de magazine. Avant, il y avait le magazine de Picsou, Spirou et tout ça. mais t'achetais pas le Spirou, oui, t'achetais le tome de la Gave, t'achetais le Boulet Bill, t'achetais le machin. Non, mais ce que je veux te dire, c'est aussi que... la consommation et la chronologie qui mais... peut-être fait la chronologie. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le premier tome de Batman et la Justice League a été travaillé donc bien en avant chez les Japonais qui ont mis très rapide, qui ont trouvé le scénariste et les dessinateurs qui sont différents et qui ont travaillé très rapidement. Parce que le premier tome est sorti en France avant le Batman de Marini. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dû avoir deux tomes au Japon pour qu'ils puissent nous sortir en France chez Kana, qui est encore une fois fait partie de la maison d'Argo, Kana quand même, et 2-3 mois plus tard a sorti le Marini. Donc ouais. C'est vraiment une le nouvelle rythme fois, tu parles d'un cas très précis. Ah oui. Mais en général, tu prends des collections manga, enfin on n'achète pas des magazines, ça ne marche pas les non, magazines. Non, ça marche pas. Mais d'accord. Non, les kiosques, mais... c'est vraiment un public non, mais... de niche. Ce qui fait les comics et ah oui. Du coup ce qui se vend c'est les tomes quoi. Concrètement, donc, c'est pour ça que concrètement, je pense qu'il s'est passé que les contrats ont été signés en même temps. J'avais Dargo et chez au Japon. Le Japon, pour nous, pour que ça nous arrive en France encore une fois, hein, il s'est passé, à mon avis, 9 mois, alors que Marini s'est passé un an. Donc tout ça, ils ont travaillé suivant leur propre rythme de lecture, parce que DC leur avait vraiment laissé carte blanche à faire un travail sur du DC, mais suivant leur version. La preuve, Gordon, il fume pas, il vapote. Ouais. Okay. Voilà, c'est quand même une des images, entre guillemets, marquantes du Batman de Marini, c'est le vapotage. Bon, du coup, si on parle de ça, alors c'est pour au final dire que on était parti du fait que vous avez l'impression, tous les trois, qu'il y a une régression du coup du comics. Mais est-ce que justement le métissage ou l'élargissement, ça fait pas que ça enrichit en termes d'histoire? Et du coup, là je reviens à toi, est-ce que ça fait pas plus de taf aussi et plus de taf qui soit ouvert? T'es pas obligé d'être cantonné à faire par exemple du super héros? Tu parlais de dessinateur, il a un tel style, bah, il va peut-être pas faire du manga toute sa vie ou du super héros toute sa vie. Il peut, du coup, ça peut lui permettre peut-être d'élargir, non? D'élargir les possibilités à faire autre chose De raconter d'autres choses ou dessiner d'autres choses. De toute façon, à partir du moment où il y a le bon et le dessinateur et le mauvais dessinateur. Ah, vas-y. Alors, le bon dessinateur, il dessine, et le mauvais dessinateur, il dessine. Ce que je veux dire, c'est qu'un dessinateur, il doit aussi savoir s'adapter par rapport à l'histoire. Et inconsciemment, il aura tendance à forcer son trait par rapport au scénario qu'on va lui proposer. Si on lui demande du post-apo, il va essayer d'avoir un style un peu moins cartoony. Mais du coup, pas au format. Mais peut-être pas au format, mais de toute façon, je pense qu'un dessinateur, il s'adapte à tous les formats. Ouais. À partir du moment où le scénario lui plaît, il a envie de travailler dessus, on lui dit par contre c'est des grandes pages, il reste pas cantonné au format comics comme moi. On me proposerait autre chose, je pourrais le faire, si ça se prête bien à l'histoire, si ça fait partie du processus. Mais après, par rapport au style, ouais, le dessinateur s'adapte. Et de toute façon, il évolue. Il vaut mieux d'ailleurs qu'il évolue, parce que sinon... voilà, il est resté sur ses petites erreurs, parce qu'un dessinateur fera toujours des petites erreurs au début. Il évolue, il découvre des choses, il apprend des techniques, il s'intéresse à différents styles, que ce soit le comics ou rajouter des petites choses franco-belges qu'il aime bien par rapport à des peintures, des techniques et autres, ça va lui changer son style, jusqu'à ce qu'il acquiert vraiment son style définitif, qui, encore une fois, peut aussi évoluer. Donc on n'est pas cantonné au format, on n'est pas cantonné au style, et on s'adapte. Je pense que ça fait partie du tout pour un dessinateur. Et au final, vu que tu bosses pour toi, là, ouais. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux faire ce que je veux, exactement. C'est vrai d'ailleurs. Ça manque de femmes nues. Ouais, d'ailleurs, c'est plutôt des mecs à poil qu'on voit qui sortent de la douche, quoi. Ah oui, bah c'est vrai, ça arrive. Non, mais effectivement, je peux faire ce que je veux. Mais justement, c'est un double piège. Parce que de faire ce que je veux, comme je disais, je suis en train de scénariser donc les premiers épisodes pour installer le personnage, installer l'histoire. Mais comme je le disais tout à l'heure, je veux travailler avec des scénaristes parce que je veux qu'ils me posent des contraintes. Parce qu'un bon dessinateur ou une bonne histoire, c'est aussi quand le dessinateur il est pris par les contraintes, ça le force à le sortir de sa zone de confort. Parce que là, c'est un peu « je fais ce que je veux ». Et il faut que je sorte de cette zone de confort et de travailler avec un scénariste qui va m'aider à construire des choses pour le personnage, ça... Peut-être, ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Okay. Est-ce que tu veux laisser tes coordonnées pour un scénariste qui peut nous écouter, hein? En fait, je vais être franc, mais dans le milieu du dessin et donc de la bande dessinée, des scénaristes, j'en ai énormément et je sais qu'ils n'attendent qu'une chose, puisque je leur en ai déjà touché quelques mots. C'est, ils n'attendent qu'une chose, que je dise feu vert, et là, ils me balancent tout. Donc, je pense notamment à Florent Lecorst, travaille sur VHB, s'il écoute ce podcast, sache que je ne t'ai pas oublié, mon petit bonhomme. Alors, ça fait un moment qu'on parle, et j'aimerais, avant de clôturer cette interview, quand même revenir sur la situation des dessinateurs. On en a parlé en off avant que Nebu arrive très rapidement, mais c'est vrai qu'on arrive à une situation où il y a eu une grève au niveau d'Angoulême qui a fait parler. Et le festival est terminé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant que le festival est terminé, ben, on n'en entend plus parler, tout simplement. Hein. On profite de l'occasion du festival d'Angoulême, le feu des projecteurs, les télévisions qui disent le festival d'Angoulême et ses manifestations. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle plus. Enfin, en tout cas, à la télé, à la radio, quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de mouvements sur Internet d'auteurs qui se bougent pour faire évoluer la situation des dessinateurs. Parce que pour beaucoup, dessinateur, c'est pas un vrai métier, on fait ce qu'on aime, on devrait pas se plaindre. Sauf que quand on voit notamment le dernier scandale avec la GSA qui, depuis 2012, avait oublié de prélever pour les retraites des auteurs, apparemment ce n'est pas, alors je ne suis pas au courant des dernières news, mais ce n'est même pas rétroactif. On imagine le dessinateur qui pense avoir cotisé depuis 2012 pour sa retraite et qui se rend compte que finalement, non. Moi, il y a des aberrations comme ça, alors je ne suis pas le mieux placé pour parler de tout ça, puisque moi, je fais ça un petit peu pour mon plaisir, je fais ça en associatif, etc. Mais je pense à ceux pour qui c'est le métier principal. C'est quand même catastrophique de voir que dans ce pays, il n'y a aucune considération. On se revendique le pays le plus artistique au monde, avec du cinéma, alors peut-être pas du cinéma par rapport aux Américains, bon, je parle pas des blockbusters, mais le cinéma d'auteur, les choses comme ça, le pays du 9e art, et finalement, quand on se rend compte que on n'est même pas considéré dans ce pays, voilà, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais en cherchant sur Internet, vous verrez qu'il y a des collectifs d'auteurs, des auteurs assez de renommée, qui expliquent clairement qu'ils essaient de se battre pour défendre le droit des auteurs, hein, que quand je dis auteurs et artistes, c'est au sens large, hein, ça comprend aussi bien les écrivains que les photographes, etc. Et voilà, le mieux c'est peut-être de se tenir informé sur Internet et de pas attendre qu'on en parle seulement à la télé juste le dernier week-end du mois de janvier pour Angoulême, quoi. Et bon, donc vous n'êtes pas forcément reconnu par l'État, mais également, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail au niveau des éditeurs à faire? Bon, je sais que tu es une milieu associatif, c'est pas vraiment ton... Mais bon, on en profite, t'es quand même, on en avait profité quand il y avait eu notre mangaka qui était venu. C'est quand même un sujet important, et bon, nous, on n'a pas envie de passer à côté de ce genre de sujet, quoi. Bah, j'ai envie de dire, le mieux, c'est de regarder un petit peu tous les camemberts de statistiques qu'on vous balance sur Internet pour voir si, dans ce camembert, combien touche l'auteur de bande dessinée. Sur ce camembert, il touche au maximum 8%. Je crois que c'est déjà assez parlant. Quand on voit que celui qui se prend la plus grande part de camembert, c'est le distributeur, justement. Après, on va reprendre le principe de l'œuf ou de la poule, qui est arrivé le premier, hein, parce que s'il n'y a pas de dessinateur et pas d'auteur, qu'est-ce qu'ils vont faire les maisons d'édition et les distributeurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et à côté de ça, nous, les distributeurs et les éditeurs nous disent « Oui, mais si on n'est pas là, vous ne seriez pas édité. » Voilà, c'est un petit peu le... Donc, sur les éditeurs, je ne peux pas trop en dire, parce que c'est pas la langue de bois. Hein. C'est juste que je pense que je ne suis pas le mieux placé. Parce que moi, je suis dans un circuit alternatif et je suis dans un créneau qui est le comics. Or, en France, on sait que les auteurs de comics, on en discutait justement en off, pour qu'un auteur de comics français soit reconnu en France, il faut qu'il ait réussi aux États-Unis. Olivier Coipel, etc. Je ne vais pas en citer d'autres. Mais voilà, donc je ne suis pas dans le marché propre de la maison d'édition. Oui, c'est pour ça que je te dis, hein, vu que tu es... Moi, de ce que j'en entends de certains amis qui sont dans les maisons d'édition, j'ai l'impression que s'ils veulent vraiment être reconnus, ils n'ont pas le choix, quoi. C'est-à-dire que je suis édité, youpi, je le dis partout, mais après, on le sait, la plupart des auteurs vivent sous le le seuil de pauvreté. Moi, j'ai toujours pris un boulot à côté parce que je me suis toujours dit, je savais depuis tout petit que dessinateur, ça ne rapporterait pas. Donc voilà, je suis dans un créneau qui me permet de... justement qui ne me permet pas d'en parler plus que ça parce que je suis un petit peu à part, entre parenthèses. Et c'est pour ça d'ailleurs, on parlait des maisons d'édition, mais beaucoup d'auteurs maintenant font du crowdfunding, donc participatif. Voilà, exactement, merci. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, pas que je trouve ça mal, mais parce que je n'y connais rien. Mais je vois que beaucoup de jeunes arrivent à s'en sortir et à sortir des titres qui valent vraiment le coup, qui seraient passés chez un éditeur qui aurait cartonné, je pense. Bah, l'éditeur a perdu une occasion d'avoir un bon titre. Parce que peut-être c'est de la considération du dessinateur ou de l'auteur en général. Donc voilà, beaucoup, je pense que le financement participatif, il a beaucoup d'avenir. Et les éditeurs devraient peut-être s'en préoccuper. Et justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les éditeurs sortent le terme de « sans nous, vous seriez rien ». Là, maintenant, on voit que maintenant, avec le financement participatif, exactement, des auteurs peuvent sortir leurs comics, même si ça ne touchera pas tout le monde. C'est un petit peu l'auteur qui fait un doigt aux maisons d'édition, disant bah, « moi, sans vous, je suis quand même quelqu'un ». C'est ça. Et donc, voilà. C'est un peu ce qui se passe et ce qui existe dans le milieu du jeu de plateau ou du jeu de rôle. Il y a énormément de bouquins qui sont soit des traductions, soit des créations originales qui ont un parcours original de crowdfunding. Exactement. Et qui sont édités et qui peuvent être parus et tout ça. Mais après, c'est bien, comme tu dis, pour un auteur et pour un dessinateur, pour sortir son truc. Mais après, on va pas se mentir. Ça, il va pas en vendre des centaines et des millions et il va pas non plus en vivre. Ça va marcher, il va pouvoir éditer et publier ce qu'il a fait là. Il va devoir se renouveler, c'est-à-dire chaque année il va falloir qu'il sorte quelque chose. Le truc, c'est que le crowdfunding, ça reste quand même ponctuel, et effectivement, comme tu l'as dit, c'est soit bien, soit pas bien, on peut pas juger, mais la machine fait que à la fois les éditions, les machins, font que tu vas avoir un achalandage et toucher plus de gens, quoi. Mais je suis d'accord que c'est prohibitif, leur prix. 5-10 ans, dans les rayons de bande dessinée, on avait 800 titres, maintenant on a 2500 et encore, j'en suis loin. Il faut savoir qu'un type qui a signé dans une maison d'édition qui sort son tome 1, il dit « Ouh, génial, je suis un auteur de bande dessinée. » Si ça se vend pas, l'éditeur, il va lui dire « Ton tome 1, tu le gardes, il n'y aura pas de tome 2. Oui. » Quelque part... Est-ce que c'est pas le jeu aussi, tu vois? Le jeu, parce que tout le monde ne peut pas être dessinateur et auteur, non, tu vois. On est d'accord. Il y a aussi, en fait, je pense que c'est après, ça. Je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois. Mais forcément, si le truc il est vraiment bien et que c'est une pépite, c'est vrai que il y a une chance que ça passe, une chance que ça passe pas, et on passe à côté d'une pépite. Mais pour une pépite, c'est quoi? Enfin, c'est con ce que je vais dire, mais c'est comme les youtubeurs. Pour un youtubeur qui a réussi, il y a combien de centaines de millions qui font ça dans leur garage et qui ont 3 vues, quoi, tu vois. Mais c'est attends, ça aussi, quoi. Je vais faire l'avocat de l'avocat du diable. Mais tu vois, quelqu'un qui fait un crowdfunding qui explose, on va dire, demain je me dis, allez, je vais faire un super héros, Toulousain, rugbyman et compagnie, tout va bien, ça explose. Je note. Je pense que je vais faire ça. Voilà, avec un ballon ovale laser, et voilà, non, mais voilà. Tu vas trop loin, livre pas toutes tes idées de scénar. Hein. Surtout, j'avais une idée de faire une super héroïne toulousaine en plus. Moi, je prends les droits, hein. Je dépose le cachet. Donc, imagine, il passe sur un crowdfunding, le crowdfunding explose. Financé à 1000%. Un éditeur peut voir ça, il dit, bon, j'ai loupé le tome 1, tu m'intéresses petite, ou petit, on s'en fout, j'achète les droits, et puis je te finance pour un tome 2 et un tome 3. Tu vois, le crowdfunding peut aussi t'amener sur quelque chose qui peut t'amener sur une nouvelle forme qui ont fait ça, mais une nouvelle fois bien. Combien, on s'en fout, on n'est pas là pour parler stats, et puis de toute façon on est déjà parti à des années-lumière de ce qu'on devait faire à la base, et le pauvre Adrien il est là-bas au fond avec ses fiches, il dit qu'est-ce que je dois couper pour que ça fasse que 10 minutes, c'est ça. Bon, du coup je pense qu'on va limiter, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler un million d'heures, et voilà. Dans tous les cas, c'est cool que tu nous aies présenté ça. J'espère que ça marchera super bien et que tu te feras repérer et que plein de gens liront Le Patrouilleur. En plus du Patrouilleur, faire connaître un peu plus Wanga Comics en même temps, qui, c'est vrai, sur Angoulême, j'avais déjà croisé, j'ai déjà vu. Mais après, c'est vrai que de base, ça fait partie des petits éditeurs qu'on connaît pas forcément. Et je vous invite aussi à voir visiter mon site internet. J'en profite pour faire de la pub. Allez, oui, vas-y. C'est pyramine.com. Vous pouvez voir aussi dans les liens qu'il y a d'autres studios de comics français dans. Alors vu qu'on est à l'oral, t'écris pyramine. Pierre comme Pierre et mine avec deux N. Voilà. Deux comme N, c'est comme Olivier Mine, parce qu'on me le sort souvent, mais il n'est pas de la famille. D'accord. Donc voilà, et ça te permettra aussi de découvrir voilà, d'autres studios de comics français, parce que Vanga n'est pas le seul, hein, y en a d'autres, et qui ont chacun leurs personnages, leurs univers, et franchement, je vais pas spoiler, mais sur le 2, on croise même un personnage d'un autre univers, d'un autre studio de comics français. Mais bon, il l'a pas encore. Ça y est, on va avoir le patrouilleur verse. Non, mais moi, mon idée, le truc qui serait sympa, ce serait que justement tous ces studios, on fasse se croiser les personnages pour faire découvrir les autres. Et c'est ce que je suis en train de faire dans le tome 2. Donc ceux qui ne l'ont pas, ils découvriront peut-être un personnage. Il y a un petit clin d'œil à un autre personnage, un autre super-héros d'un autre studio. Les gardes républicaines, enfin. Non, merde. Pour être tout à fait franc, je devais faire un crossover avec le garde républicain, mais ça ne s'est pas fait et je n'ai pas eu les raisons de pourquoi. Du comment. Ah, j'avais même commencé les pages, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Pour Thierry, si tu m'écoutes. Adrien, ça va être à toi dans 2 minutes, même pas 30 secondes, avec. Il est 6h du matin. Avec une partie très très réduite. Avec. Je vais rusher, t'inquiète. Ou pas. Après cette longue interview qui n'était pas du tout prévue, parce que officiellement on voulait réduire les choses, mais ça s'est pas passé comme ça. On va passer au sujet phare d'Angoulême, partie 2 sur 12. C'est à ton tour, Adrien. Comme annoncé sur le dernier podcast, je vais revenir un peu plus sur le groupe Tsume et Kurokawa, du coup, qui sont associés ensemble pour sortir leurs deux mangas. De Tsume qui est Ragnafall, qui parle donc d'un shonen sur l'univers viking, et ensuite de Imperium Circus qui lui est aussi un shonen mais qui est sur l'univers du cirque en fait. Mais en fait, pour l'avoir lu, c'est comme des sortes de guildes en fait. Tu remplaces un peu les guildes par des cirques et c'est des compas de cirque pour. Voilà, pour voilà. Sans déconner. Waouh. Oui, c'est voilà, c'est donc Cirque ouais, Fighter. Et c'est ça, c'est Cirque Fighter exactement, c'est voilà, tu apprends que dans l'univers, il y a une énergie, que si tu la maîtrises, tu as des pouvoirs liés au enfin un peu à ce que tu peux retrouver dans. Et donc du coup, tu t'habilles en clown. Et Attends, arrête, parce qu'on a dit qu'on ferait court. Donc laissez-le parler. Ah ouais, ouais. Vous ne foutez pas de sa gueule et vous ne foutez pas des trucs qu'il nous présente. Ouais, en plus, c'est plutôt sympa, non, genre. Mais c'est toi qui l'as mal tourné en fait, Adrien. Ah ouais. Alors, oui. Bah quoi, c'est vrai. Tu sais, pour sa défense, il parle de cirque, quoi. Oui, enfin, tu vois. Alors, par contre, j'ai une question. Tu nous avais dit que Tsume s'était mis sur une maison d'édition. En fait, non, c'est pas devenu une maison d'édition. En fait, c'est devenu associé avec Kurokawa. Ouais, fait. Ils sont. Donc, du coup, c'est un label. Tsume, voilà. On va dire que c'est le label. Ils ont en fait. Donc Tsume en fait a lancé un peu une appel d'offres avec plusieurs éditeurs pour savoir. Voilà, eux, ils allaient sortir leur manga avec leur équipe, leur scénariste, leur dessinateur. Et ils ont choisi Kurokawa parce que c'est ce qui, humainement parlant, c'est ce qui se rapprochait le plus de leur idée, en fait. Alors, Kurokawa, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vite fait, hein, ouais. Goblin Slayer, série. FMA, Full Metal Alchemist. Oui, on peut compter Souliter également. C'est eux qui l'auréditent, en tout cas. Depuis le début, donc, et voilà, donc ça c'est juste vite fait pour quand même rappeler les titres pour que ça fasse tilt pour personnes qui nous écoutent. Donc j'ai pu assister du coup à leur interview en fait, donc de Tsume et du patron en fait de Tsume, qui lui à la base, pour rappeler, donc c'est Tsume Art la boîte, et qui fait des figurines de luxe en fait, de française à la française, et de luxe, et aussi un peu pas que, mais beaucoup de luxe, de détails. Et du coup, ce que lui, en fait, qui est cher à son œuvre, c'est vraiment. Ouais, lui, il a été bercé par les shonen, quoi. Dragon Ball, pour lui, c'est. Voilà, c'est la base. En plus, c'est par là où il s'est fait connaître et il a pu ressortir Tsume. Parce qu'en fait, à la base, Tsume Art, il allait carrément vendre son produit au Japon. Et il a récupéré la première statuette qu'ils ont sortie, c'est la statuette de Piccolo, qui se sacrifie via Gohan. Mmh. Et c'est une scène qui lui est chère, en fait. Et il a réussi à récupérer les droits, du coup, de Dragon Ball, justement grâce à ça, parce qu'il a pu s'entretenir et avoir même passé une soirée avec Toriyama, parce qu'à l'époque, il travaillait encore avec sur l'univers Dragon Ball, et dans une soirée, il lui a dit, voilà, si moi je devais faire une statuette, ça serait celle-là, parce que c'est pour lui, ce qu'elle raconte, c'est le méchant qui se sacrifie pour sauver le fils de son ennemi juré, tu vois. Et donc du coup, c'est des principes qui lui est cher, tout ce qui est le sacrifice et puis la rédemption. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à avoir les droits, tout simplement. Et par la suite, c'est ce qu'il a toujours voulu au fond de lui faire après son manga, quoi. Donc c'est comme ça qu'il nous a sorti ces deux titres. Donc, il a une réelle envie un peu bousculer les gens, enfin, du manga, en fait. Même si lui, il sort quand même du shonen, il veut s'inspirer un peu de la culture occidentale, avec du Game of Thrones, du Walking Dead, avec, en tout cas sur les scénarios, que ça soit moins japonisant, quoi. Mm. Donc voilà, c'est deux titres qui sortent. Alors, c'est sorti en France, est-ce qu'ils ont parlé de l'idée de l'exporter au Japon? Ils n'ont rien dit là-dessus. À terme, pour lui, ça serait un but lointain, quoi, mais forcément, même on a parlé d'animation, ça serait la concrétisation de son œuvre, quoi, mais c'est pas des sujets, en tout cas, qui sont connus, quoi. D'accord. Pour le moment, en tout cas, ils veulent se réserver sur ces titres-là. En gros, ils ont la boîte, déjà elle parcourt sur une cinquantaine de personnes pour les figurines, mais là sur Agnafol, donc c'est Maro Jirushi, donc c'est le patron de Tsume qui travaille sur le scénario, et il est en association avec Shizua, qui est le dessinateur pour Agnafol. Et d'un autre côté, Hyperion Circuit, là c'est un autre groupe de scénario et de dessinateurs qui travaille sur une période de circuit. Donc, il y a un nouveau dessinateur qui va arriver, qui est espagnol, sur le tome 2 d'une période de circuit, qui n'était pas sur le premier, qui a beaucoup de background, qui a plus d'expérience, donc qui va dessiner sur le tome 2. Et ils ont prévu de sortir par an, là, 3 tomes, en tout cas, sur l'année. Donc, ils essayent quand même de se copier sur le format japonais, pour sortir leur bouquin. Donc ça veut dire travailler en équipe, avoir des retours. C'est pour ça qu'il fait pas tout lui-même, en fait, tu sais, qu'il n'y a pas qu'un seul scénario, un scénariste et qu'un seul dessinateur, parce qu'il veut avoir des retours et avoir une vue un peu de recul sur les scénarios. Et ce qui est important pour lui, c'est vraiment sur tel tome ou sur tel chapitre de Imperium Circus, on a un peu de mal. Ben, il va y avoir donc du coup le scénariste, par exemple, de Ragnafol, qui va peut-être travailler un peu en support sur l'autre. Voilà, c'est vraiment un travail de groupe sur ces deux tomes, et c'est ce qui lui est cher, et voilà. Bon, j'ai boosté un peu en mode rapide sur la présentation de ces deux bouquins. Donc Ragnafol, j'ai lu déjà tout le tome. Graphiquement, c'est super sympa. Il t'introduit les persos principaux assez rapidement et de manière quand même bien faite. Surtout qu'en fait, c'est en gros des forgerons. Donc du coup, forcément, tu commences par la forge et tu les vois un peu du coup s'embrouiller entre les deux persos principaux, en tout cas, donc qui ont l'air rivaux. Enfin, c'est le maître et élève, mais qui eux-mêmes sont élèves du grand forgeron, quoi. Mais c'est pas mal, parce que dès le début, tu te rends compte qu'il y a... c'est une fête qui se prépare dans le village viking, quoi. Et donc, tu as plusieurs villages qui sont invités. Et forcément, il y en a, ils ne sont pas là que pour faire la fête. Donc, tu as toujours un peu cette... ce suspense un peu tout le long du premier tome de bon, qu'est-ce qu'ils prévoient et quand c'est qu'ils vont attaquer pendant que les autres se préparent pour la fête. Voilà. Imperium Siculus, je suis un peu au début là, je suis à la moitié du tome plutôt. Donc moi, ça, on a rigolé un peu au début, mais c'est vrai que le milieu du cirque, on en a rarement, enfin moi j'en ai rarement lu. Shonen, rare, enfin tu vois, C'est très rare, en fait, c'est très rare, même que même dans une BD qu'on nous parle du cirque comme ça, pas ouais, car Nightwing dans le comics qui est à la base un trapéziste, mais sinon. Ouais, ça fait plus partie du background que vraiment. Que l'histoire. L'histoire que là, c'est vraiment. C'est vraiment partie intégrante. En plus, ça me fait un peu penser, je pense qu'il y a une grosse inspiration, du Fight Club un peu, tu vois. Ouais, sans parler de le Fight Club n'existe pas, machin, on parle pas, là on en parle, mais t'as quand même cette histoire de, voilà, même les politiciens vont voir ces combats de cirque parce que ça fait vraiment partie intégrante de, des villes, il y a eu, voilà. Mais c'est donc, surtout, alors, qu'on parle du milieu du cirque, moi ça me fait surtout penser à la Rome antique où ça faisait partie, où tout le monde allait voir un jeu du cirque. Ah ouais. Oui, ben, c'est un peu avis, clairement là en fait, c'est ouais. Des combats, en plus tu as une roulette qui décide en fait des règles de la bataille, parce qu'en fait c'est un cirque, mais c'est des batailles de cirque en fait. Tu as deux cirques qui s'affrontent. Et ça peut être un 1v1 comme un 3v1, enfin vraiment, les règles... Non mais bon, après c'était le premier, entre guillemets, combat pour un peu t'imprégner, voilà, du combat, ouais. Voilà, en fait, ils te disent que c'était pas un combat officiel, que c'était une exhibition, et en fait, tu as une représentation, enfin, t'as une perso qui combat contre deux autres, tu vois. Mais bon, ça peut être vraiment intéressant, un peu, de voir comment ils vont se servir un peu des règles du cirque. Ah, effectivement, c'est vrai qu'en lisant, on s'est foutu de la gueule en disant filtre cirque parce qu'on pensait chapiteau et tout ça, mais en fait, c'est clairement. C'est plus le jeu du cirque des arènes. Oui, en fait, effectivement. C'est vrai que quand tu prends le Imperium Circus, en fait, c'est Imperium l'Empire. Bah, il y a une empreinte graphique, effectivement, qui rappelle le cirque qu'on connaît, quoi. Ouais. Mais effectivement, clairement, là, a priori, c'est du combat de gladiateurs, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, esprit shonen sur les deux, parce que bah, c'est ce qui tient à cœur, en fait. Et donc, du coup, vu qu'il... Je te coupe, j'ai une question à te poser. Vas-y. Comme ça, je parle, ça te permet de respirer un peu. Donc, de série, est-ce que, vu qu'il veut amener des choses des franco-belges, l'univers franco-belge ou de Game of Thrones ou de Walking Dead, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un crossover? Non, clairement non. Pas. Non, je sais pas, non, mais... Non, parce que c'est pas du tout le... Enfin, là, c'est... L'univers connecté, si tu veux. Ouais, non, c'est pas prévu, parce que, déjà, Ragnarfall, c'est vraiment l'univers viking avec les années vikings, et c'est très imprégné de ce qu'on peut un peu connaître... Yggdrasil, tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est imprégné là-dedans. Et Imperium Circus, c'est vraiment, c'est pas du tout dans la même époque que ça se déroule. C'est vraiment deux univers différents. Pas de clin d'œil, rien. Non, pas du tout. Même dans Ragnarfall, tu vois, il n'y a pas encore on n'a pas montré de pouvoir ou quoi. Alors que Imperium Circus, clairement, voilà, il t'explique que y a une énergie qui nous entoure, qui est dans l'air, dans la roche, dans les plantes, machin, et que... La force. Ouais, c'est un peu... ouais, c'est ça, un peu le qui, un peu tout ça, tu vois. Il y a... Alors, ils ont un terme, mais je dois t'avouer que je n'ai pas encore retenu de cet esprit, enfin, de ce pouvoir. Et justement, les participants au cirque... ont justement pour but de pouvoir un peu se libérer et de découvrir leur pouvoir au fur et à mesure qu'ils progressent. Et voilà, donc il y a chaque catégorie un peu de pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on peut un peu retrouver, tu sais, dans Hunter x Hunter, tu sais, il y a plusieurs, les missions, la force, tu vois, le renforcement. C'est un peu ce qu'on peut retrouver là, mais via les thèmes du cirque, en fait. Vraiment... Donc ça, ça peut être cool. Ça peut être vraiment bien approfondi sur plus tard. Bon, le héros, forcément, il veut se monter son propre cirque et avoir le meilleur cirque qui soit. Donc ça, c'est vraiment typique un peu japonais, mais shonen plus, voilà. Mais bien intéressant. Enfin, l'univers est intéressant. Tu... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors. Mais en fait, le truc, c'est que c'est nouveau, quoi. Enfin, vraiment, moi, j'ai jamais entendu. Ah ouais, vraiment, pas de débat, quoi, là. Alors, bah, si je veux mon avis, bah, voilà. Tu nous as présenté le truc, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, allez, j'ai même pas vu. Si je dois mettre une pièce sur un des deux comme ça, je mettrais Ragnafall, c'est ce qui me tenterait le plus. Ouais, après, plus je suis pas très shonen, moi, mais Ragnafall. Donc voilà. Ah, moi je dois dire un truc? Je sais pas, quelque part. Moi une pièce, non, Les deux, merci. Oui, voilà, les deux, écoute, pourquoi pas, mais il y a tellement de trucs, c'est trop compliqué. Oui, oui, voilà. Non, mais en fait, tu peux aussi lui en prêter. C'est vrai, effectivement. Je peux te... Bah, les deux, du coup. Écoute, une période de circuit, j'ai pas encore fini, donc. Bon, on a réussi à pas faire de débat. Ouais. C'est extraordinaire. Bravo. J'ai réussi à rusher comme j'ai pu en zappant un peu quelques détails, mais bon. Bon, ben du coup, on va pouvoir attaquer la dernière partie de l'émission qui devrait être encore plus courte. Oui. C'est bien, putain. Surtout que moi, j'ai déjà trouvé les titres. Donc voilà, allez. Spoil pas. On se retrouve tout de suite sur les conseils d'achat pour le mois de pour le mois de mars. Nous revoilà sur cette dernière partie de l'émission où, qui sont tout simplement les conseils d'achat. Pour ceux qui n'étaient pas là sur le DC4, sur le débat comics numéro 4, on a changé le format du conseil d'achat parce que c'est facile. Conseil d'achat, on peut balancer 20 titres, 40 titres. Les gens vont noter mais ils vont pas acheter, ils vont pas forcément retenir l'essentiel. Et on n'a pas tous des budgets à 300 euros comme Nico, enfin comme Sweep ou Nico. Je sais jamais comment t'appeler. Juste fait 260 aujourd'hui, c'est tout. Oh putain. Oh putain, mec. Non, mais j'ai acheté deux coffrets énormes qui coûtent chacun 50 balles. Attends, tu fumes en plus balles. Derrière, non? Non, non. Ah bon, ça non, va. Non, écoutez, moi j'ai fait 150. Donc, au lieu d'annoncer ça, on a décidé de se limiter. Chaque chroniqueur a le droit à un panier moyen de 30 euros. Et il ne doit pas dépasser ces 30 euros. On peut piquer ce qui reste des collègues, hein, à droite à gauche, hein, s'ils ont quelques centimes qui traînent, on peut piquer. Mais bon, le but du jeu, c'est pas d'arriver sur des conseils d'achat de 60 euros par personne, mais de 30 euros pour retenir l'essentiel. On va commencer par la dernière, à ma gauche. Eh bien, moi, ça va être simple. Hein. Du coup, je vais vous conseiller ben, Ragnafall et Imperium Circus. Si tu peux nous en parler un peu plus. Oui, j'ai... Alors revenez un quart d'heure en avance et vous... Non mais voilà, j'ai fait la présentation de ces deux mangas que je trouve vraiment... Bah, pareil, Ragnafall, l'univers viking. Bon, on a Vaillant qui parle plus dans la dark fantasy en fait. Là, c'est vraiment le shonen de viking, Ragnafall. Et Imperium Circus sur... voilà, les pouvoirs liés au cirque et combat plus, entre guillemets, de gladiateurs que de simples clowns. Voilà. Les combats de gladiateurs. Oui. Est-ce que tu aimes les combats de gladiateurs? Oui. Est-ce que tu es déjà allé dans les mains turques? J'ai l'air très connaisseur, Jeff. Non, j'ai juste vu une référence à Yatil, un pilote dans l'avion. Voilà, bon, c'est ça. On n'a pas tous la même culture, Adrien. D'ailleurs, donc... si tu dois regonfler le pilote automatique, on compte sur toi. Voilà, sur ce, c'est en train de partir en vrille déjà. Voilà. Donc, j'ai la scène dans ma tête, c'est horrible. Donc, du coup, Adrien nous fait quand même un panier moyen d'une quinzaine d'euros. D'une quinzaine d'euros. Voilà, chaque tome coûte 7,65€. Donc, pour un bouquin français, c'est plutôt bien parce que parfois, quand c'est sorti un peu français, c'est un peu plus. Sur des. Voilà. Mais ouais. Bien. Correct. Nico? Alors moi j'ai feuilleté un peu côté comics et alors côté Marvel en France il y a rien d'intéressant qui sort. J'ai vu que Panini sortait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui était moi un comics que j'avais adoré, mais que j'ai pas sélectionné. Pourquoi ? Parce que c'est Panini ? Non, parce que j'ai mieux à conseiller. Après, si tu veux dire qu'il y a Panini, oui, aussi. Parce que j'ai vu que, pour donner une idée, chaque tome coûtait 30 euros, mais voilà, ils en sortent deux. J'ai vu aussi que Bliss ressortait donc le premier des Bloodshot et Bloodshot Reborn, qui était aussi excellent, mais c'est pas ça que je vais vous conseiller. Je vais plutôt mais la jouer à l'ancienne, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition d'un comics que j'adore, qui est V pour Vendetta. Et si vous ne connaissez pas V pour Vendetta, foncez voir le film et achetez le comics. Et je crois que le comics du coup est à 26 euros. Ça va, t'es dans les clous. C'est ça. Et bon, quand même, V pour Vendetta, Alan Moore, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un classique, hein. Ouais. Un classique du genre. Le film, c'est avec Hugo Weaving, il me semble. Oui, c'est et Nathalie Portman. C'est juste un putain de classique. Et voilà, hein. J'ai vu le film, j'ai pas lu, mais. Ah ben, moi j'ai vu très souvent le film, comme pourrait l'attester Jeff. Tous les 5 novembre. Voilà, je plus que ça. Et vu qu'il était tellement fan, je lui avais acheté le comics à l'époque sorti chez Panini. Il doit valoir une fortune. Oh, non, c'est pas bien. Début. Bah écoutez, moi, la première chose que j'ai à dire, c'est que effectivement, c'est bien qu'on ait réajusté le budget. Parce que c'est compliqué, et moi je voulais faire des conseils d'achat, je vais vous en faire, je vous rassure, mais mon conseil d'achat, c'est compléter vos séries en cours, parce que si vous prenez du retard sur vos séries en cours et que vous passez pas 250 euros toutes les 3 semaines sur acheter plein de nouveautés, bah, complétez quand même vos séries en cours. Mais du coup, je vais profiter, même je vais tricher sur ce conseil d'achat, puisque je vais vous conseiller deux tome 1 de séries qui sont en cours. Donc bah du coup ça va faire peut-être plus de 30 euros si vous aimez plus que le tome 1. La première, c'est un manga, c'est La Voix du Tablier. Ah oui. C'est chez Kana. C'est très drôle, c'est une comédie, hein. Ça va parler cuisine, et en fait c'est un ancien yakuza qui devient homme au foyer. Donc bah, on va le voir faire les courses, on va le voir faire la cuisine, on va le voir prendre soin de sa femme, mais à sa manière de yakuza, c'est-à-dire les dessins sont énormes, parce qu'il est toujours très sérieux, il fait très peur, et tous les gens avec qui il interagit, bah, on croit qu'à tout moment ils vont le dézinguer, c'est ça. Voilà, et en fait pas du tout, il est super attentionné, et c'est très drôle. Donc je vous conseille vraiment La Voix du Tablier. Le premier tome est à 5,95€, vu que c'est un début de série. Et il y a deux tomes de plus, donc 3 tomes qui sont sortis au total. Je vous conseille, c'est bien fun, des bonnes barres de rire. Et je vais changer de registre pour vous parler d'une BD franco-belge. Hein, vous l'avez compris tout au long du podcast et des précédents que c'était aussi une de mes passions. Et plus particulièrement, la SF, la science-fiction, il y a une série qui est sortie l'année dernière qui s'appelle Colonisation. Je profite de la sortie du tome 4 ce mois-ci. Pour vous en parler, c'est vraiment excellent, j'adore, c'est dans la lignée des Sillage ou même des toutes ces séries d'exploration spatiale. Il y a un équipage vraiment cool, il y a une héroïne vraiment badass, et ça j'adore. Il y a des histoires de complot, il y a des échanges avec des races extraterrestres, c'est dans un futur lointain, enfin voilà, c'est du régal, les dessins sont vraiment excellents. Donc je vous conseille ce tome 1, et puis du coup bah, jusqu'au tome 4 si ça vous plaît, c'est Colonisation dans le rayon BD. Et voilà pour moi. Est-ce qu'on peut terminer pour dire que l'espace, frontière de l'infini et de l'au-delà, c'est voyage... Exactement. Mais c'est un peu du Star Trek, mais plus... Alors non, si... Bon, désolé, mais du coup c'est... pas vraiment, c'est du Star Trek, mais c'est surtout pour moi, j'ai retenu le côté Serenity, quoi. La série, la série qui est donc dans les années 2000, qui était vraiment excellent, quoi. Bon, alors moi, on va terminer par moi. J'ai sélectionné du Marvel. J'ai sélectionné du Marvel parce que j'ai vu cette série arriver depuis un petit moment. Les covers m'ont toujours impressionné. Et je suis juste curieux de lire ça. C'est Black Cat, le tome numéro 1. Oui, voilà. Oui, les trucs de seconde zone, vas-y. Oui, non, mais je le vois, seconde zone ou pas, tu vois, j'aime bien Campbell, j'aime bien ce qu'il fait comme, comme dessin. Fais gaffe, attention, les féministes ne vont pas t'aimer avec ces trois. J'aime Campbell, j'aime les jolies formes, voilà, d'accord, même si c'est pas proportionné compagnie, j'aime les jolies formes. Et du coup, je suis curieux. Le premier tome va sortir chez Panini pour 17€. Ben oui, mais Marvel c'est Panini. Sinon, achetez de la VO, les gars. Mais sinon, voilà, vous êtes obligés d'aller voir Panini. Et je suis curieux de voir ce que ça donne. Et je suis bien curieux de savoir ce qu'on peut avoir comme histoire en solo sur, sur la meilleure voleuse de Manhattan. Comme je serais curieux de lire le comic sur Mary Jane. Juste pour voir, essayer. Essayez, c'est des séries de troisième zone, Nico, même. C'est même pas de la seconde zone, c'est de la troisième zone. J'en suis totalement conscient, mais voilà, je suis juste curieux. Après, je vais vous conseiller quelques mangas que je vais bientôt acheter. On va rester sur les femmes avec La Reine d'Égypte, tome 7, qui va sortir. C'est un manga que j'adore, basé sur une histoire vraie. Le sixième tome m'a impressionné. On est parti sur quelque chose de totalement inattendu. Tout ce que j'espère, c'est que la série va pas faire 40 tomes, parce qu'à un moment, ça va tourner un peu autour du pot. Il faut bien que cette pharaon, vu que maintenant on a tendance à féminiser tous les noms, je vais dire pharaon, comme ça les féministes vont être contentes, Nico. Ben un jour on pas crever, parce que moi quand même en Égypte on vivait pas très très vieux. Et le dernier tome que je vais conseiller, c'est le septième tome d'Otaku Otaku, qui est encore une fois sorti chez Kana, comme La Voix du Tablier. C'est du Big Kana, c'est humoristique, c'est l'histoire de couple geek. Je me reconnais énormément en ça. Non mais. Ah ouais, tu m'as fait. T'en as parlé l'autre jour sur Instagram. Du coup, je suis allé mater l'animé sur. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Voilà. Je suis allé mater l'animé sur Amazon là et j'ai trouvé ça frais. Enfin, c'est frais, c'est vraiment frais. Je suis sûr, c'est marrant. C'est du slash love life. Ouais, voilà. Vraiment frais. Mais enfin, tu connais Marion et toi. T'as Marion quoi, ouais. Qui est avec ton frère. C'est certains moments de vie, totalement en fait. Ouais. Et c'est pas parce que Nico et Adrien n'ont jamais vu une femme depuis 3 siècles qu'ils ne peuvent pas vivre ce genre de choses. Alors c'est pas parce qu'on t'en parle pas qu'on le fait pas. Voilà. Tu manges des frites. Et du coup ce sont des moments assez frais et des moments geeks que tu peux avoir dans le quotidien. Le mec qui est passionné de jeux vidéo et la nana qui lit que des mangas et qui ont des univers qui s'affrontent comme ça, parce que le mec il est plus lecture sur tablette, et alors qu'il y en a qui sont plus lecture papier, ou toi qui vas passer ton temps à geeker sur Witcher alors que ta nana va lire plutôt un roman à côté de toi ou autre. Enfin voilà, c'est plein de moments de vie que j'apprécie énormément dans Otaku Otaku, à savoir que la mangaka sera au Salon du Livre à Paris pour dédicacer les mangas. Donc ceux qui sont sur la région parisienne, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à m'envoyer. Alors le vrai titre, c'est Otaku Otaku en France ? C'est pas genre c'est difficile l'amour quand on est otaku, ou un truc comme ça ? Non. Enfin, si tu vas voir ton libraire et que tu lui demandes non, Otaku Otaku. C'est Otaku Otaku. Otaku. Ouais. Tu demandes Otaku Otaku, ou c'est ça. Parce que la série a un autre nom du coup sur Amazon. Ouais, c'est. Genre, c'est difficile l'amour entre otaku. Je ne savais même pas qu'il y avait un animé de. C'est Jeff qui m'en a parlé, 12 épisodes. Voilà, ça se regarde. Ça se regarde, c'est vite. C'est frais, c'est marrant. Je suis pas trop sûr que ça en soit. Ouais, non, mais après, voilà. De temps en temps, c'est bien, tu vois, des petites humeurs. Moi, voilà. J'ai fait un post sur les animés. Donc. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Donc, ouais, ça s'appelle effectivement. Yotakoi, l'amour, c'est compliqué pour un otaku. Ça n'a rien à voir, non. Donc voilà, bon, ben, c'est sur ce, on va peut-être clôturer ce grand débat comics. On va remercier Pierre qui était avec nous pendant une bonne partie de l'émission. J'espère que son interview vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et le reste. Pour nous, on va se revoir. Pas tout de suite, parce que la prochaine émission sortira fin mars, et on va enchaîner après sur une seconde émission, toujours fin mars. On fera la première le 21 mars en public, dans le magasin Akiba Store à Toulouse Centre. Les horaires et le reste à suivre très bientôt sur les réseaux sociaux de Akiba ou des nôtres. Il y aura une soirée quiz avec cadeaux à gagner. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à venir et ça va être vraiment très passionnant. Et puis voilà. Je serai pas là, moi. Non mais merde. Moi non plus. Voilà. Il y a Nico qui passe voilà, son temps. La moitié temps. De l'équipe prend plaisir ouais, et l'autre. C'est clair, putain. Voilà. Et moi je serai présent. Voilà. Bon, on pourrait parler de Berserk. Non. Parce que je te rappelle que l'actualité sera tournée autour de Bleach. Oui. Et sur qui ce. C'est un de mes grands mangas favoris. Donc je suis bien content. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt autour d'un bon débat comics. Bye bye. Salut. Ciao.